c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Donc là, en fait, on a un petit peu moins de 2 heures, 1h50. On va avoir une table ronde avec 3 personnes qui sont globalement en fait les champions du podcast DevOps francophone. Donc on a ici Guilhem Lettron, qui est hyper expert Kubernetes et qui anime deux podcasts qui sont Dans ton cube, admirez le jeu de mots, et DevOps, l'observatoire du DevOps. Et puis on a ici donc Thomas Girardin d'Amir pour les intimes. Et Christophe Chaudier en remote, qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il est dans le massif central et que visiblement les trains décollent pas aujourd'hui. Et qui co-anime tous les deux un podcast qui s'appelle Radio DevOps. Donc voilà, ce sont des podcasts qui sont très réguliers. Alors, peut-être plus pour Radio DevOps que pour DevOps. Mais voilà. Et donc, en fait, bon, je vous incite à écouter. Et donc, cette session-là aujourd'hui est une session qui sera publique. C'est vraiment un podcast public. Et qui est déjà public, puisque là, il est en live voilà, sur YouTube. Voilà, donc là, vous êtes sur YouTube. Comme vous le voyez, en fait, alors ce que vous voyez à l'écran, là, en fait, c'est pas ce qui passe en live YouTube. Mais ici, il y a une caméra à 360 degrés. Donc même moi, je suis dessus, même si je suis sur le côté. Et donc, en fait, la session, ça va être des questions-réponses. Donc, je vais sortir des post-it et je vais vous distribuer des post-it et des feutres. Vous allez pouvoir écrire les questions qui vous viennent à l'esprit. On va initier ça avec une question que je vais poser, histoire de vous laisser réfléchir, cogiter à vos questions. Et là, en fait, bah, c'est feu. Pendant 2 heures, là, vous posez les questions que vous souhaitez. Et je passerai la parole à mes petits camarades pour vous répondre. Moi, je n'interviens pas. Donc, vous avez un retour de personnes qui sont vraiment extérieures à la MGEN sur ces sujets-là. Et vous posez les questions qui vous viennent à l'esprit. Je sors les post-it. Je sors les feutres. Et on peut peut-être commencer avec une première question. Alors, il y a déjà eu, pour les gens de la MGEN qui sont voilà, dans la salle, il y a déjà eu une première table ronde avec Adrien Blin, donc, qui est un ancien de la Société Générale, et Laurent Grangeau, qui est un Googler, qui est une personne de chez Google. Sur DevOps, on avait abordé des questions qui étaient assez générales, du type qu'est-ce que le DevOps, quels sont les grands principes du DevOps, etc. Vous pouvez évidemment poser des questions de ce genre si ça vous intéresse. Là, je vais poser une question un peu plus orientée déjà, pour éviter de faire de redondance sur les questions généralistes. Et évidemment, cette vidéo, enfin, cette audio-vidéo sera disponible sur la mgen.tv une fois que j'aurai récupéré les rushs et que j'aurai fait le montage. Tu veux peut-être d'ailleurs qu'on commence par notre expérience qu'on a eue avec le DevOps. Ça peut être, Ouais, on peut commencer par ça. Ouais, très bien. Je vais commencer comme ça. J'ai déjà réfléchi en proposant. Donc moi, je travaille depuis 2009. J'étais plutôt orienté Ops à la base. Donc infrastructure système, réseau, etc. Et en fait, très vite, je me suis orienté, j'ai commencé dans des SS2I classiques avec des projets d'installation, lampes, vraiment classiques en 2009. Et en 2011, j'ai rejoint une startup parce que voilà, je voulais essayer d'aller vers un monde un peu plus jeune peut-être, ou un peu plus dynamique, je sais pas. Et ce que je faisais, c'est que je faisais de la CI pour, même d'ailleurs en SS2I, je commençais à faire de la CI. On appelait ça des plateformes d'intégration continue à cette époque. Donc c'était du Jenkins, des choses comme ça. Et c'est ce que j'ai commencé à faire dans une startup. Et un jour, mon CTO vient me voir, c'était en 2012. Il me fait « Ah bah tiens, j'ai entendu quelque chose dans un article, enfin j'ai vu quelque chose, ça s'appelle DevOps, regarde ce que c'est. » Et en fait, je commençais à regarder, je fais « Ah bah tiens, c'est marrant, c'est exactement ce que je fais, ça ressemble en tout cas beaucoup, c'est-à-dire être en contact avec les développeurs, essayer de faire l'intégration continue, travailler sur l'architecture, etc., en conjointement avec les devs. » Et en fait, ça a assez bien matché. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le DevOps, sa date de création, on estime à peu près à 2009, en tout cas le terme. Mais en fait, il y avait des gens qui faisaient déjà ce type d'infrastructure et ce type de culture, on va dire, même avant 2009. Et donc moi, c'est ma première introduction avec le DevOps. Ça a été comme ça. Ça a été vraiment mon CTO qui m'a envoyé un nom. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai changé mon poste, entre guillemets, J'ai été dans la DevOps bashing, enfin dans la DevOps washing, c'est-à-dire j'ai renommé architecte système, si jamais ça veut dire quelque chose, en DevOps en 2012. Oui, c'était mal de faire ça, mais peut-être on en reparlera. Mais voilà. Et donc en fait, c'était ça ma première introduction avec le DevOps. Et puis après, ensuite, je suis allé dans pas mal de meet-up DevOps où on a essayé justement de travailler sur l'architecture, sur la culture qu'on vient avec ça. Donc on en discutera avec des CAMS, des acronymes comme ça. Donc voilà ma première introduction avec le DevOps, en tout cas, que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, enfin moi je suis consultant indépendant, et donc je travaille pour les entreprises, pour celles qui veulent passer à de l'agilité, du DevOps, et surtout autour de Kubernetes la plupart du temps, d'où le podcast Dans ton cube Kubernetes. Christophe, peut-être? Oui, alors moi au début de ma carrière, j'étais développeur et c'est vrai que j'ai un retour. Après, j'ai travaillé dans beaucoup de grandes boîtes, notamment la plus grande, c'était Calvino, où je faisais la gestion d'applications. Je déployais les applications qui étaient fournies par les développeurs sur les infrastructures Linux. On n'avait pas le cloud à l'époque. Et peut-être ça ne fait pas très bien les discussions avec les administrateurs système Ops et les développeurs, mais on était un peu au milieu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur la fluidité justement des livraisons. Après ça, je suis devenu administrateur système chez une autre grande boîte qui était tout à la main. Et je me suis dit, c'était quand même très, très long de faire de la mise en place d'environnement, puisqu'on mettait parfois plusieurs jours pour créer des VM et les mettre à disposition. Et après, tout à l'heure, je me suis lancé en indépendant. Je me suis fait embaucher par une start-up pour ma première mission où j'ai fait du cloud et du DevOps, qui me présentait ça comme ça. Alors, en fait, l'idée, c'était de faire l'infrastructure ad code, donc de développer du code d'infrastructure pour créer tout ce qui est environnement chez soi. On pouvait créer plusieurs environnements. J'étais le seul administrateur cloud. Et je travaillais beaucoup avec les devs. On était vraiment une équipe tout intégrée et je trouvais ça hyper bien. Et donc après, je me suis spécialisé dans le déploiement des applications. Et aujourd'hui, je suis CTO d'une ville logicielle qui s'appelle Froglit, où on propose justement l'hébergement Git. On fait tout en mode DevOps et je fais aussi du mentorat et évidemment de la vulgarisation DevOps, puisque j'ai le podcast et la chaîne YouTube. Damien, okay. Je t'en prie. Bah du coup, je vais fermer la marche là-dessus. Moi de mon côté, ben un peu comme Christophe, j'ai commencé en tant que développeur. Donc j'aimais bien le développement, mais j'étais un peu frustré. C'était vraiment la caricature du développement à une époque où on envoyait le code, on savait pas ce qui allait se passer. Un jour, il allait venir en prod, et j'étais un peu frustré qu'il y ait cette boîte noire où j'envoyais mon code et il se passait des choses un peu magiques. Et un jour, ça arrivait en production. Donc comme j'étais jeune et que j'avais pas encore non plus beaucoup d'expérience dans le dev, j'ai dit je peux switcher facilement. Je suis allé côté ops pour voir un peu comment ça se passait. Déjà j'ai apprécié ça. Donc je suis resté, j'adorais automatiser les choses, comprendre plus des problématiques, on va dire à une échelle différente, une manière différente. Et au final, j'étais un peu frustré quand même parce que j'étais bien côté ops, mais ça manquait en fait d'échanger avec des devs, de comprendre leurs problématiques, discuter avec eux, de dire tiens mais toi qu'est-ce qui te manque comme élément de compréhension de notre côté, etc. Et cet élément-là il me manquait. C'est au moment où le DevOps commençait un peu à apparaître sur la scène publique en France et était plus un truc d'initié entre une dizaine de personnes qui en parlaient entre eux. Et au début, j'ai eu un peu, je comprenais pas trop ce que c'était. Beaucoup de gens me disaient, ouais, c'est un dev qui fait de l'ops, c'est n'importe quoi. Il y a eu un peu ce washing et ce blocage de beaucoup de personnes qui voulaient pas en entendre parler. Et du coup, au début, j'étais un peu frustré de ça. Et puis, je suis atterri chez un infogéreur où j'ai rencontré Ludovic, infogéreur dans lequel j'ai vraiment pu apprendre ce qu'était le DevOps et j'ai pu découvrir ce que c'était de retravailler des devs, de travailler sur de l'intégration continue, de travailler avec des outils dont on parlera sûrement un peu plus tard. Donc c'était très sympa. Une fois que j'ai fait un peu mes armes là-dessus sur le DevOps, je suis parti dans une société de conseil pour un peu voir pas mal de contextes. J'aimais bien changer, rencontrer un peu des gens, comprendre leurs problématiques, leur vision des choses, pour les aider, à régler les choses, régler leurs problématiques, livrer plus vite, livrer mieux. Donc globalement faire du DevOps entre guillemets. Et certains d'entre vous me connaissent peut-être sur Twitter ou sur mon blog qui s'appelle damir.fr. En tout cas, je publie régulièrement des news ou des tests de fonctionnalités cloud et plein d'outils sur le DevOps et autres. Voilà, voilà. Alors justement, là, pendant qu'ils vont répondre, je vais faire le tour des repotes pour ramasser vos questions si vous en avez. Donc, si vous avez des questions que vous avez déjà écrites dans le post-it, Il me fait signe quand je passe, de façon à ce que je puisse les récupérer. D'accord? Alors, on va poser une première, je vais poser une première question. Ça roule pour toi? Je vais poser une première question. C'est que, donc, on parle beaucoup d'outils. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu, parce que ce matin, par exemple, j'ai parlé pas mal de Ascode. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu pourquoi le côté dev, infra Ascode, deployment Ascode, documentation Ascode, pourquoi le Ascode, c'est un truc qui est aussi présent dans la culture et la mouvance DevOps. Peut-être Christophe d'abord, parce qu'il est, il est handicapé par le fait qu'il est en remote, et puis je vous laisse rebondir ensuite. Merci pour l'handicapé que je suis. Alors pour moi, le Ascode a vraiment une importance parce que ça enlève en fait la partie manutention humaine, parce que c'est quand on a des humains dans la tête finalement qu'on a des erreurs. Et c'est comme ça, effectivement, on fait des erreurs. Et donc la partie Ascode, dès qu'on programme quelque chose, en théorie, on va enlever ce côté humain et on va pouvoir avoir un code qui est répétable à l'infini et qui va faire tout le temps la même chose. On peut en plus l'automatiser et lancer sur des événements sans aucune intervention humaine. Ce qui permet aussi aux développeurs, quand ils poussent leur code, par exemple, sur Git, et ben, d'avoir une intégration continue qui va déployer à ce code quelque chose sans intervention des ops. Les ops auront écrit avant le process de déploiement et puis tout tournera et tout sera fluide. Bah, du coup, t'as fini ou je... Vas-y. Ouais, du coup, moi de mon côté, je pense que ce qui est important dans Ascode, c'est comme Christophe le disait, au final, on va surtout profiter du versionning qu'il y a derrière. Donc de pouvoir avoir un code où on va pouvoir itérer, on va pouvoir revenir en arrière. Truc très simple et cas qu'on a tous eu. Moi, j'ai eu beaucoup quand j'étais ops au départ, c'est qu'on configurait des machines ou des choses à la main, on se retrouve à suivre des docs des fois de 3-4 pages et on se retrouve avec notre machine qui n'avait pas l'état désiré et on était un peu en mode je recommence tout de zéro et je vois ce qui a loupé. Là avec le Ascode, on va pouvoir en fait éviter ce type d'erreur, éviter ce type de frustration, et on va aussi pouvoir, par exemple, si on déploie une nouvelle stack ou une nouvelle fonctionnalité, revenir en arrière s'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, ce qui avant se faisait à l'aide de snapshots et de choses comme ça, mais ce qui n'était pas toujours ultra pratique. Et pour moi, il y a un vrai intérêt dans le contexte DevOps du Ascode, c'est tout simplement en fait d'utiliser derrière du versionning avec Git et avec un serveur Git et une usine logicielle adaptée, mais ce qui est du coup d'avoir un langage commun et un point commun en fait avec les développeurs et d'avoir cet axe en fait de communication. On va tous interagir avec les mêmes outils. Et pour moi, c'est assez important parce qu'au final, quand on veut échanger avec quelqu'un, le plus important, c'est de se comprendre, de connaître un peu les problématiques, le fonctionnement. Et ça, pour moi, c'est un premier pas parce que le versionning, au final, aujourd'hui, c'est un peu le centre de tout. C'est le centre de votre infrastructure, c'est le centre de vos développements. Donc, c'est pour moi très important d'avoir ce langage de base qui est partagé par les ops, par les devs, par la sécurité ou par n'importe quelle équipe. Ouais, je suis très d'accord avec ce qui a été dit puisque, en fait, ce qui revient la plupart du temps, donc on utilise le terme DevOps, en fait, plus largement, c'est l'agilité. Mais là, quand on le prend en termes DevOps, ce qu'il faut voir, c'est que donc, il y a ce partage. Et même, il y a un partage culturel qui va se faire. C'est-à-dire que les ops vont se mettre à utiliser les outils des développeurs et même les pratiques des développeurs. Donc, on a parlé de Git, on a parlé de tout ça, mais un point important, c'est les tests. Et c'est quelque chose, c'est vrai, quand on était ops, enfin, moi, je viens vraiment du monde de l'ops, vraiment à l'ancienne, on n'avait pas cette habitude de faire des tests. C'est pas quelque chose... On est plus en mode pompier, ça veut dire on déploie, on fixe, et ça recommence. Et en fait, c'est plus cette notion presque de pompier pyromane, on met le feu et on sait l'éteindre. On met le feu, on sait l'éteindre, on met le feu, on sait l'éteindre. Quand on arrive avec cette pratique DevOps, c'est qu'on va se dire, on va utiliser ce qui est bien dans le monde du développement, les bonnes pratiques, les bons usages, les bons patterns, et on va essayer de les appliquer au monde de l'opérationnel. Et en fait, on arrive à quelque chose, enfin à un point où la différence entre développeur et ops est très faible. En fait, on va surtout avoir des développeurs front, des développeurs back et des développeurs d'infrastructure. Et en fait, tout le monde est développeur. Il n'y a pas cette division de métier. On est tous développeurs parce que développeur, ça veut juste dire qu'on apporte de la valeur métier. Et là où avant, l'ops était vu comme un centre de support, on était là pour régler les problèmes. C'était un centre de coût, en fait, l'ops. En fait, on arrive à quelque chose grâce au DevOps où l'Ops va être plutôt un centre de profit. On va réussir à déployer plus vite, amener de la valeur plus rapidement en production. Et donc, ce côté Ascode, en fait, ce qu'il valorise, c'est le fait que les Ops sont des devs comme les autres. C'est plutôt ça là-dessus. Alors après, moi, le côté Ascode, c'est vrai que j'en reviens un peu dans le sens où Je n'aime pas trop cette notion d'infrastructure as code maintenant. Je préfère dire infrastructure déclarative. C'est-à-dire qu'en fait, je vais déclarer l'état dont je vais, que je veux dans mon infrastructure. Et un code va se gérer de le déployer et de converger vers l'état que je veux. J'aime pas cette notion d'avoir du code qui va s'exécuter en production, parce que même si on l'a testé autant qu'on veut, il y a toujours un cas où il y avait un petit if dev, if staging, et quand on arrive en production, il s'est passé quelque chose d'autre. Et donc maintenant, moi, c'est vrai que je vais plus faire de l'infrastructure déclarative. Donc ça, c'est encore un autre pattern de développement. Mais voilà. Mais à la fin, il y a du code quand même qui s'applique. Hein. Il n'y a pas un humain qui va cliquer dessus. Mais ça va être toute une autre façon de voir les problèmes. Mais voilà. Moi, ce que je veux dire surtout, c'est que voilà, l'Obs est un dev comme les autres, d'où le code. Ok, bah merci beaucoup. Je vous ai écouté d'une oreille, mais bon, je vous ai écouté quand même. Alors, on a pas mal de questions déjà. On va avoir un petit chapitre, on va dire, le DevOps est-il miscible dans du legacy? Donc, je vous pose mes questions. Déjà, le premier, c'est comment on fait du DevOps avec des devs externalisés? Et en particulier des devs en centre de service, j'imagine que c'était là. C'est ça. Vas-y, Damien, vas-y, je t'en prie. Thomas. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître compliqué. Moi, j'ai connu le cas où, quand on est infogéreur, on n'a pas d'accès direct au dev. C'est quelque chose qui est faisable, mais qui demande à s'adapter. Donc là, j'ai pas de recette miracle. Ça dépend de la manière dont fonctionnent les devs externalisés, les équipes. Le mieux, c'est de pouvoir tout simplement les intégrer dans le même cycle de CI/CD, d'avoir accès en fait aux mêmes outils déjà, c'est important. Et derrière ça, de pouvoir aussi les intégrer potentiellement à des discussions ou des échanges qui vont avoir un impact sur eux. Je pense notamment aux décisions structurelles sur de l'infrastructure. C'est important de pouvoir du coup directement travailler avec eux et éviter en fait le défaut quand c'est externalisé d'avoir des cascades de mails où vous allez avoir des gens qui vont dire et après ça va être A prime et après ça va être A prime prime et au final on s'est pas bien compris. Donc je pense que le mieux c'est d'arriver à instaurer vraiment une culture du direct et éviter de se passer par des intermédiaires souvent de management ou autre chose comme ça qui vont un peu déformer les propos. Et comme je disais, pour moi la deuxième chose, et ça on en revient à ce qu'on disait juste avant, c'est d'avoir des outils communs et un workflow commun. Et ça c'est pour des raisons de compréhension en fait. Si chacun doit traduire dans le langage entre guillemets de quelqu'un d'autre, on va avoir une incompréhension et une frustration. J'ai pas de recette miracle. Ouais, ça tombe bien que tu me renvoies la balle parce que justement, ça me fait penser à pas mal de choses. Alors, je vais aller encore plus loin en fait. Pour moi, il faut définir en fait une culture commune entre les devs externalisés, les devs internalisés et les autres. En fait, il faut vraiment partager le même vocabulaire, la même culture et les mêmes objectifs. C'est quoi les objectifs de l'équipe, plus largement de l'entreprise? Et en fait, l'équipe de développement externalisée doit partager ses objectifs, parce que si c'est pas partagé, il va y avoir un problème de coopération et du coup, on va pas pouvoir faire du DevOps, parce que la base du DevOps, c'est quand même la coopération dans les équipes. Évidemment, tout ce qu'a dit Damien, c'est vrai, c'est-à-dire que la culture commune, elle va passer aussi au travers des outils communs, des process communs, et les outils vont favoriser ces process. Ouais, en fait, c'est assez drôle comme question, dans le sens où DevOps, à la base, en fait, ça veut dire Agile for Infrastructure. Et en fait, c'était trop long. Et donc, la personne qui a inventé le terme l'a résumé en DevOps. Mais à la base, c'est l'agilité appliquée à l'infrastructure. Et en fait, l'agilité, à la base, ça a été fait par des externes. En fait, c'était des gens qui étaient dans des sociétés de services qui se sont dit, comment je fais en sorte de pouvoir livrer de la valeur à mon client plus rapidement, plus simplement, sans avoir besoin de faire des allers-retours en permanence. Mais en fait, l'agilité a dans son cœur même la notion justement d'avoir des développeurs externes. Et je suis entièrement d'accord, en fait, c'est avec ce qui a été dit avant, c'est que il faut avoir des outillages communs, il faut avoir du partage, et surtout du partage, même en termes de communication. Ce qui est le plus problématique la plupart du temps d'expérience avec des dans des projets pour passer à du DevOps, ça va plutôt être le budgétaire, la façon dont est conçu le projet. Est-ce que mon projet, je l'ai conçu avec une phase de build et une phase de run après, donc TMA. Et dans ces cas-là, en fait, on peut pas faire du DevOps dans ces cas-là. Le DevOps, ça va être une amélioration continue où on va se dire qu'on va faire une première itération, on va revenir, on va s'améliorer, on va améliorer les process de qualité, de build, de sécurité, etc., etc. Mais si on a cette volonté dans une entreprise de se dire « Non, mais j'embauche quelqu'un pour un an pour qu'il me fasse le projet et après, ce sera mes équipes internes qui feront de la TMA », Clairement, il y aura un problème. Parce que d'un seul coup, en fait, ça veut dire qu'il y aura un passage de connaissances qui sera extrêmement compliqué avec des gens qui sont vraiment de deux métiers différents. Là où, en fait, dans le DevOps, on va essayer justement de mixer ces choses-là, de faire en sorte que les gens communiquent dès le début du projet, puissent travailler sur l'architecture, que tout le monde sache, de pas avoir se jeter en production, donc le waterfall qui est cette cascade où quelqu'un fait puis balance en dessous à celui qui est après dans la chaîne. Et ça peut être du dev. En fait, entre le dev et l'ops, on va avoir par exemple l'équipe de QA, on va avoir plein d'équipes en fait entre les deux. On peut même rajouter dans le DevOps les gens qui sont le business. Donc en fait, et le support après l'ops, parce qu'en fait toutes ces chaînes-là font partie de cette chaîne de production de valeur. Si jamais les développeurs ont fait quelque chose de mauvais, que les ops ont réussi à le mettre en production, mais que derrière ça c'est le support qui se retrouve à être écroulé, il y a un problème. Donc en fait, c'est pour ça que c'est toute cette chaîne-là qu'il faut prendre en compte. Et donc des fois, c'est la manière même dont on pense un projet qu'il faut des fois revoir et se dire, bah non, mais en fait, le projet, il n'a pas de date de fin. Et c'est problématique parce que historiquement, enfin moi, quand je faisais de la gestion de projet à l'école, on nous apprenait bien qu'un projet, ça se définissait par une équipe et une date de fin. Et ça, c'est un projet. Un projet, c'est toujours défini comme ça. Et quand on arrive à du DevOps ou à de l'agilité, bah, il n'y a pas de date de fin prévue à l'avance. Ça sera fini. Quand ça sera fini, on décidera ensemble de la date de fin. Et ça, c'est un problème souvent budgétairement quand on a besoin de faire de manière comptable, de dire non, mais là, je fais de l'amortissement comptable et donc je dis ça, c'est la phase de run et ça, c'est enfin, la phase de build. Et voilà, et je l'amortirai sur le temps du projet. Voilà. J'ai répondu de manière un peu. Je complète la réponse. On pourrait alors, avec un shameless plug, vous pouvez aller voir une magnifique intervention du DevOps Rex 2018 qui s'appelle Comment faire du DevOps dans une relation contractuelle entre des devs clients et les ops fournisseurs. Je ne sais pas qui a présenté ça. Alors, on a des questions toujours sur le chapitre Legacy. On va essayer de faire ça par grande thématique. Que deviennent les ops traditionnels quand on fait du DevOps? Christophe. Ils sont toujours là, ils ont juste changé de pratique en fait. C'est la version. La pratique, c'est quoi? Ils ont changé de pratique vers quoi en fait? En fait, voilà, quand on fait de l'offre traditionnelle, on ne automatise pas, on ne coopère pas, mais les compétences de gestion d'infrastructure sont toujours là. Et en fait, quand on va faire du DevOps, on va juste changer la manière de faire les choses, c'est-à-dire que plutôt d'aller se connecter sur les machines et puis de les installer, on va faire du as code. Plutôt que de passer par des tickets, on va aller plutôt discuter avec les gens. Les tickets, ils disent toujours, mais on va plutôt aller discuter et faire avec les devs. Mais par contre, la connaissance métier, elle est toujours là. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière pour moi de faire son métier. Moi, je me définissais comme un administrateur cloud DevOps, et j'étais administrateur cloud, administrateur système, quand je faisais ça au début de ma carrière freelance. Vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est bah, c'est exactement ça. C'est souvent un terme maintenant, on l'emploie le terme SRE des fois pour signifier ça, qui est Site Reliability Engineer, qui est une forme de DevOps fait par Google. Donc ils ont trois livres maintenant qui parlent de ça, de comment ils font en interne. Ne répétez pas, juste prenez des idées ou des exemples. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est que des fois ces ops-là vont juste être intégrés dans un produit d'infrastructure. C'est-à-dire qu'ils vont continuer de faire leur métier, peut-être même d'installer des machines. Il y aura souvent besoin de continuer d'installer des machines, de continuer de faire ce travail-là. Mais en fait, ils vont être intégrés dans un produit. Et au lieu d'être la, entre guillemets, dernière roue du carrosse, pour le coup, dans la chaîne, bah, et pour le coup, ils vont être un produit. Ils vont avoir des clients. Ils vont donc répondre à des besoins clients. Et donc, en fait, c'est même quasiment plus valorisant parce qu'on est vraiment avec d'autres développeurs, peut-être qu'ils vont faire un portail pour ces ops-là, pour avoir des machines as a service, des choses comme ça. Et donc, en fait, les ops sont toujours là, mais ils sont, enfin, moi, j'essaye en tout cas de dire ça, ça devient un centre de profit, ça devient vraiment une équipe qui a une valeur ajoutée et qui peut la montrer, même d'un point de vue, enfin, souvent, enfin, moi, dans les entreprises où j'ai été, c'était dur de valoriser les ops, de même valoriser même leurs augmentations, des fois, parce que personne ne sait trop, bah, combien ils font gagner à l'entreprise. On sait que sans eux, tout tombe. Mais on ne sait pas exactement combien ça apporte à l'entreprise. Bah là, avec un portail, avec donc du self-service, avec des API, avec des choses comme ça, on peut directement dire, bah regardez, les ops, le produit des ops est utilisé par tant d'équipes. Il y a eu une progression en termes d'usage, etc. Et donc les ops sont directement partie intégrante du produit et travaillent des fois avec quelques devs. Donc en fait, souvent on va avoir des équipes avec plein devs et quelques ops qui vont les aider à faire les CI et certains produits avec quelques devs et plein d'ops. Et on va avoir comme ça des produits assez différents en fonction de l'usage. Bah, du coup, Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, même si je suis pas d'accord sur la partie automatisation, parce qu'on n'a pas, à mon sens, on n'a pas attendu le DevOps pour en faire, même si ça se faisait avec d'autres outils un peu plus primitifs et un peu différemment. Mais c'est vrai que sur la vie, bah, ce que vont devenir les ops, bah, ils vont évoluer en fait. Un peu comme les Pokémon ou comme les développeurs quand l'agilité est apparue, on n'a pas dit bah, il y a de l'agilité, on met plus de développeurs. C'est juste le métier, la manière de travailler qui a évolué. Ben là, c'est un peu pareil pour les ops. Comme Guillaume le disait, ben, ça va devenir effectivement une vision plus produit, et ce qui va apporter plus de choses. Que c'est vrai qu'on a du mal à quantifier un ops ce qui fait gagner. Par contre, généralement, l'entreprise, c'est ce qui fait perdre, ça marche mal. C'est souvent du prisme là que c'est vu. Et là, on va pouvoir notamment plus défendre en fait cette position et ce que ça apporte à l'entreprise, notamment par tout le biais aussi de prendre l'initiative de mesurer les choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait tendance à ne pas faire avant, mais aujourd'hui, c'est devenu un classique de mesurer bah, le nombre de machines qu'on va lancer, on va dire, dynamiquement, ou de services, le nombre de requêtes qu'on va avoir au niveau des API qui vont exposer les opérationnels pour derrière exposer des ressources. Et ces métriques-là sont intéressantes parce qu'elles vont pouvoir réellement permettre en fait de déterminer ce qu'on rapporte en valeur en tant qu'opérationnel. Et au-delà de ça, bah, les opérationnels existeront toujours. Ce qu'il faudra toujours bah, gérer des machines, parce que même si on dit serverless aujourd'hui et tout ça, derrière, il y a bien des machines à un moment, c'est pas totalement magique. Donc du coup, c'est juste qu'ils vont travailler un peu autrement, qu'ils vont plus. En fait, c'est juste que le métier, ça va plus être, je reçois un ticket. Moi, je me rappelle, au début, on recevait des tickets en disant, il faut installer une machine Debian avec PHP en version telle, avec tel module. On installait ça et après on faisait un screen du PHP info. Bon, ça, je pense qu'on a tous un peu connu, et on envoyait ça, on disait, ben voilà, c'est installé. Et aujourd'hui, la vision, c'est plus, ben non, je vais créer des API et de l'automatisation qui vont exposer un portail qui va permettre, en fait, à mon développeur de spot la machine, et lui, derrière, il pourra déployer ce qu'il veut avec la CI/CD. Et ça, on va pouvoir, du coup, en plus, le mesurer, quantifier, ce qui est top. Mais le métier, il va pas disparaître, il va juste évoluer. Alors, je me permets encore une fois un shameless plug. C'est un sujet qui a été particulièrement adressé lors de la session du DevSecOps Tour à OKB par Adrien Blin, qui a fait un talk d'1 heure sur le sujet que deviennent les ops dans un monde DevOps. Donc, bah, encore une fois, la vidéo sera dispo sur FGL.dv. Je vous invite à aller voir parce qu'il s'est exprimé assez longuement là-dessus. Pour clôturer un petit peu le chapitre Legacy, c'est comment on fait pour mettre en place du DevOps sur un parc applicatif existant, entendez par là un parc applicatif qui n'est pas forcément cloud native, avec des projets, enfin avec un rythme projet qui peut être relativement lent parce que, bah, encore une fois, c'est du legacy, il y a de la contrainte, il y a de la sédimentation, il y a des vieilles techno. Guylaine, je te laisse, je t'en prie. Ouais, je suis assez partagé sur ce type de sujet-là. Il y a des quick wins qu'on peut utiliser qui vont permettre d'améliorer donc en faisant des tests de la CI, des choses comme ça va être des petits quick wins surtout d'outillage. Mais personnellement, j'ai plutôt tendance à dire don't touch the old lady, c'est-à-dire laissez mourir le projet en paix. Genre laissez le tronc s'il fonctionne à l'heure actuelle, laissez-le mourir en paix et gardez-vous du temps, de l'énergie, de l'effort, enfin, tout ce qu'il faut, même mentalement, pour le prochain projet, en fait, en se disant, le prochain projet, avec tout ce qu'on a appris, on fera peut-être un peu mieux. Et en fait, de laisser mourir des projets, de gérer cette bascule, c'est des fois même de préparer devant le projet la suite. C'est devant une application, de mettre un API manager, par exemple, qui va permettre de se dire, je mets un API manager qui va permettre comme ça de monitorer l'usage de l'ancien applicatif. Et en plus, le jour où je mettrai la V2, eh ben, tout de suite, je pourrais y aller, en fait. Et donc, je pourrais faire vivre et cohabiter deux mondes en même temps via ce type d'outillage-là. Et donc, en fait, des fois, c'est peut-être de rajouter des choses devant l'applicatif pour pouvoir le faire basculer au fur et à mesure. Et c'est notamment utilisé par plein de gens qui ont des gros monolithes, où le monolithe, clairement, il y a personne qui arrive à, d'un seul coup, en un seul, débrancher le monolithe et hop là, toute la nouvelle infrastructure se lance. Mais c'est de se dire, au fur et à mesure, on va décharger, on va, voilà, et j'aime bien don't touch the old lady, c'est vraiment, voilà, elle est là, elle fonctionne, mais on va peut-être avoir maintenant des petits jeunes à côté qui vont l'aider, qui vont porter son sac, etc., etc., jusqu'au jour où, bah voilà, le projet peut mourir en paix tranquillement là-dedans. Donc, moi, c'est plus ma vision des choses à l'heure actuelle, et ça permet de limiter l'effort, et il faut voir qu'à chaque fois qu'on modifie un composant, on le met en danger, enfin, on le stresse un peu. Donc, potentiellement, même si jamais vous lancez dans une transition DevOps sur des vieux projets, vous risquez d'avoir des échecs et qui vont peut-être même d'ailleurs mettre en péril tout le reste de la transition DevOps ou la vision des gens du DevOps. Donc des fois, privilégier ça sur les nouveaux projets cool, etc., pour pouvoir avoir des success stories qui vont après permettre de profiter pour que le management se dise « Ah oui, on a eu des success stories, donc ça vaut le coup d'essayer d'avoir de nouveaux projets. » Alors que si on commence sur les anciens projets qui sont en plus les plus critiques, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des problèmes, parce que voilà, c'est normal d'échouer. Et c'est un problème si jamais c'est vraiment la chose critique. Christophe, pour rebondir. Alors, je rappelle la question, hein, c'était comment est-ce qu'on fait une transformation DevOps sur un parc applicatif existant, legacy, sédimenté, etc. C'est-à-dire hostile au DevOps au sens technologique du terme. Ouais, ok. Alors, j'ai enlevé mon casque, comme ça, j'ai pas les coups. Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, si on doit absolument mettre en place du DevOps dans ce genre d'applicatif, en fait, la première chose à faire, c'est l'analyse des pratiques des équipes de développement, des équipes d'Ops. Est-ce que déjà, elles partagent les mêmes outils? Est-ce qu'elles versionnent leur code dans Git? Est-ce qu'il y a une intégration continue par IBM? Parce qu'en fait, ce genre de projet, c'est les meilleurs projets pour changer, pour commencer à changer en douceur, c'est-à-dire à changer les pratiques des équipes, changer les pratiques de code. Donc, est-ce qu'on va collaborer entre DevOps? Est-ce qu'on va mettre en place des tests? Est-ce qu'on va utiliser une version avec Git ou un autre? Et puis après, l'étape suivante, c'est est-ce qu'on peut mettre en place des déploiements via des outils d'automatisation? Sans parler d'aller dans le cloud, mais là, vraiment, est-ce qu'on peut utiliser des outils comme le Puppet Shell qui nous permettent de faire de la configuration à sol, et pas dans la phrase code, vraiment, mais on commence. Et puis surtout, on profite de ces projets pour mettre en place la collaboration entre les équipes et vraiment changer les choses. Puisqu'on n'a pas d'impératif binaire très fort par rapport à tout automatiser, et bien du coup, on va focaliser sur le changement lié aux hommes et aux femmes qui travaillent sur ces projets-là. Et après, ça permet de se lancer plus oralement sur des vrais projets où on va pouvoir partir avec du cloud, de l'infrastructure, de l'électricité dans tous les sens, etc. etc. Ouais, du coup, compléter un peu, parce que j'ai pas mal de choses qui ont été dites. Je pense que, ouais, en tout cas, d'un point de vue purement technologique, pour moi, le plus important, c'est d'établir une base d'outils un peu peut-être plus moderne et plus adaptée au DevOps dans le cas du legacy. Et pour construire ces outils, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'impliquer tout le monde pour que, du coup, il y ait, dès la base, en fait, une sorte d'émulsion culturelle sur l'échange, sur les différents outils, que tout le monde soit d'accord et que tout le monde ait participé à cette prise de décision. Pour moi, c'est très important pour qu'il y ait de l'adhérence, en fait, sur ces nouveaux outils, ces nouvelles stacks. Après, pour la partie vraiment purement applicative, je pense que c'est très utopique de penser qu'on va pouvoir un jour recoder tout et faire un truc super en microservice et basculer tout d'un coup dessus. Et là-dessus, je pense, je suis un peu plus dans la vision de Guilhem, qui va être du coup de passer ça dans un portail, un proxy ou autre, et petit à petit en fait découper le legacy, vraiment essayer de retirer un peu les bouts potentiellement les plus critiques, essayer de le faire avec les trucs les moins critiques au départ pour un peu se faire la main, pour avoir des victoires exposées. Et je pense que on parlait des échecs, s'il y a des échecs, ça peut arriver, ça arrivera sûrement au début du DevOps, surtout quand les équipes et les outils sont un peu vieillissants, quand les gens n'ont pas l'habitude, il y aura des échecs. Et l'important, c'est pas qu'il y ait des échecs, c'est que d'en tirer des choses. Donc pour moi, il faut pas hésiter à capitaliser là-dessus, à faire des points, à en parler ensemble, à présenter, dire bah ça, ce projet-là, on a découpé telle partie dans un microservice, on a mis en prod, on a vu que c'était instable, on a eu tel problème, et échanger dessus. Parce que c'est en échangeant sur ces problèmes aussi qu'on va créer une culture d'amélioration continue qui va nous permettre d'améliorer aussi un peu les nouveaux outils qu'on met en place, parce que quand on met une place, une stack d'outils entre guillemets DevOps, donc une stack d'usine logicielle, souvent tant qu'on l'a pas testé, il y a des petits trucs qu'on a oubliés ou des petits trucs qu'on se dit ah merde, ça j'avais oublié ce cas-là, comment je fais pour le mettre en place. Donc du coup, pour les cas-là, pour moi, c'est très important d'échanger, vraiment de créer cet esprit de communauté autour des nouveaux outils et des nouvelles pratiques pour la faire évoluer vers quelque chose qui correspond à l'entreprise et dans le contexte. Je crois que Guylaine, tu as réagi là-dessus. Oui, Donc, tout le monde a besoin de noir agile, je n'ai pas souligné. C'est bon. Super. Donc, côté legacy, on a à peu près fini. Donc, on va faire une petite pause. Ça fait une petite demi-heure que vous parlez maintenant, messieurs. Donc, on va faire une petite pause troll. Alors, au niveau du cloud public, plutôt GAFAM ou Scaleway OVH? Christophe Chaudier. Suisse au GAFAM. Alors, il ne faut pas aller chez les Américains parce qu'on a des lois extraterritoriales. qui nous empêche en fait d'être serein vis-à-vis de ces clubs. Et accessoirement, la plupart font de l'évasion fiscale, donc ça, c'est une position politique que je garde. Donc, plutôt club européen et français, pour ma part. Est-ce que, alors, au-delà de la position, on va dire la posture, je dirais politique ou comment dire, idéologique, militante, est-ce qu'il y a des questions opérationnelles qui font ou financières ou de gouvernance qui font qu'on va plutôt vers un GAFAM ou un Scaleway ou un OVH? Oui, en fait, chaque besoin va être analysé. Et en fonction du besoin et des objectifs, il faut choisir le meilleur cloud provider là-dessus. Et les critères peuvent être à la fois techniques, stratégiques et politiques. Ben, j'insiste sur ces trois vues, mais il y a certaines boîtes qui ne prennent que des critères techniques et d'autres qui ne prennent que des critères stratégiques. Pour moi, il faut les trois types de critères. Bien, bien. Guylaine, tu veux rebondir? Ouais. Toujours un sujet un peu touchy. Essayons de pas passer trop de temps là-dessus. Ouais, non, mais ouais, c'est pour ça. Alors, si vous voulez entendre, enfin, justement, j'ai un podcast de 2 heures et on doit encore faire 2 heures de plus sur le cloud souverain. C'est le dernier que j'ai fait, donc voilà, si pour vous dire le côté vaste du sujet. Bah, moi, je pense qu'on a un énorme problème avec les opérateurs européens, c'est qu'ils sont pas au niveau. Donc, ça veut dire que ça va dépendre beaucoup de ce que vous allez vouloir faire. C'est-à-dire que si technologiquement vous avez un besoin qui est assez limité, que en effet politiquement vous voulez vraiment pas aller sur des GAFA, alors bah il vous reste pas beaucoup de choix, donc vous avez ceux qui ont là. Le problème des acteurs français, c'est qu'en fait ils vont vous faire perdre énormément de temps. C'est-à-dire que les GAFA ont une avance qui est démesurée, qui font que elles vont vous permettre instantanément d'avoir le state of the art, l'état de l'art de exactement ce qui marche bien. Et l'exemple typique, c'est sur Kubernetes où plein de gens commencent sur du OVH, Scaleway, vont après aller sur Twitter en disant « Oh là là, Kubernetes, c'est compliqué. » Ces gens-là, moi, je les récupère, je les mets sur GCP et en 3 minutes, les développeurs ont quelque chose qui fonctionne de A à Z. Et c'est pas un problème, c'est-à-dire que juste à l'heure actuelle, la pression qui doit être mise notamment aux acteurs français, c'est aussi celle-ci, c'est celle de la qualité. Et c'est de se dire « Allez les voir. » Et de choisir, en fait, pas un acteur en fonction de... de choisir à chaque fois un acteur en se disant qu'on peut en partir. C'est voilà, c'est en utilisant des technologies open source. Si jamais votre base Postgres elle est chez un provider A, et ben demain vous faites un dump, vous serez chez le provider B, même entre les GAFA. Et c'est de vous dire que en permanence, en mettant la pression sur des acteurs français, on arrivera à élever le niveau de qualité. En tout cas, moi c'est ça que je pense. Et de se dire même d'ailleurs qu'on peut avoir plusieurs parcs. On pourrait très bien avoir des applications qui ont des besoins. Et notamment, enfin, je travaille pour plein d'entreprises qui sont même sur du Alibaba parce qu'ils ont besoin d'aller sur le marché chinois. Donc on parle des GAFA, mais il y a le marché chinois qui est un gros marché. Et donc, bah, les GAFA c'est pas possible. Et donc à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui font de l'hybrid cloud en se disant ma CI est chez A, ma prod est sur mon data center, une autre prod est chez un GAFA, et ça permet même d'ailleurs de challenger en interne, de comprendre les projets et de comprendre les produits. Et la diversité est quelque chose d'extrêmement bon. C'est vraiment quelque chose qui doit être bien, en sachant à chaque fois que vous pouvez en partir, que vous n'êtes pas marié avec quelqu'un. Et voilà. Et c'est plutôt ça en fait que je veux dire, c'est choisissez des choses en vous disant à chaque fois on peut en partir. Même si ça a un petit coût de partir. Damien? Ouais, je suis assez d'accord sur le fait qu'on de choisir des choses sur lesquelles on peut partir, même si je nuancerai un peu, faut pas avoir l'image de c'est magique, hein. Si on utilise une infrastructure avec un cube et un Postgres chez AWS et qu'on veut le basculer chez Scaleway, excusez-moi, bah, il faut recoder derrière tout l'infra as code, comme on disait, par exemple Terraform, vos adressages réseau, etc. Donc c'est pas si transparent, mais ça se fait quand même beaucoup mieux que si on choisit des produits fermés. Après, je dirais, ça dépend des cas, en fait. Je sais qu'AWS, ça, comme on disait, ils ont des produits ultra avancés, il y a des startup qui commence vraiment, on va pas se mentir, avec pas grand chose, on va dire, et qui doivent assez rapidement mettre des POC en ligne et des choses comme ça. Et souvent, ben, d'un point de vue purement technique, c'est plus simple chez AWS, c'est plus simple chez d'autres, parce qu'ils vont avoir des services tout faits, ils vont avoir des choses qui existent déjà. Après, ben, il y a des acteurs comme Scaleway, OVH, je considère un peu moins parce que ils ont, à mon sens, manquent beaucoup de maturité sur une vision produit plus moderne avec des API et des choses comme ça. Mais vous avez des produits français qui fonctionnent, mais encore une fois, en fait, faut vous attendre. Si vous êtes du cloud français, il faut être prêt en tant qu'entreprise à vous dire, bah, j'ai besoin de tel service, il n'existe pas en version managée, donc il ne propose pas sur un plateau. Je vais d'ailleurs redévelopper un peu à ma sauce un système pour faire mes images avec du packer Ansible ou des choses comme ça pour en fait m'exposer à moi-même ce service ou le mettre dans du conteneur. Mais il faut être prêt en fait à prendre des fois ce temps de se dire sur ce sprint-là, j'ai besoin de ça. C'est pas juste tac, je le demande et je l'ai en mode accès libre. Je vais devoir un peu repenser tout ça. Mais si on est prêt, ça peut très bien marcher aussi. Encore une fois, shameless plug, pour structurer un petit peu la pensée sur quelles sont les clés d'arbitrage en fait sur un choix de cloud provider ou pas, je vous conseille la conférence qui a été faite au DevOps D-Day en 2018 sur le cloud public, le cycle de live et derrière nous, on compte les points. Voilà, encore une fois, bah, qui a été expliqué par Adrien Blin, qui était présent au KB il y a 3 semaines et par moi-même. Je vais rajouter aussi quelque chose dessus dont on n'a pas parlé, ouais. L'aspect sécurité. Puisque moi, en fait, j'étais architecte au HDH, donc Health Data Hub, sur Azure, comme on l'a su. Donc, j'étais architecte technique là-bas. Et il faut voir que c'est un point qu'on n'a jamais dit, enfin, qui a jamais été soulevé dans le débat, c'est que les architectures sécurité des cloud providers français sont extrêmement basses. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réseau sécurisé bien, on n'a pas de chiffrement at rest des disques durs. C'est ce qui s'est passé avec Scaleway. On s'est retrouvé à avoir des disques durs de Scaleway sur le bon coin avec toutes les données clients, en clair. On a plein de problèmes comme ça sur OVH, le VRAC, c'est YOLO. Pareil, il y a plein de choses comme ça. Donc en gros, il faut voir que d'un point de vue des fois même juste du choix de ce qu'on doit faire, il y a l'aspect, nous par exemple, quand on était au HDH, ok, on était sur Azure, ok, potentiellement, ce qui est faux, mais potentiellement, l'État américain pouvait aller voir. Mais nous, on se protégeait d'abord de hackers russes ou de gens qui voulaient voler les données, pas d'une extraterritorialité. Le principal, vous devez à chaque fois faire une évaluation des risques par rapport à celui qui est le plus probable. C'est-à-dire que oui, en effet, l'État, les États-Unis pourraient faire des choses comme ça, mais nous, il y avait juste des hackers qui tous les jours essayaient de nous voler des données. Donc, on est allé dans celui qui nous permettait de ségréguer les droits de manière le plus fine possible. Et ça, c'est quelque chose que, quand on fait l'évaluation d'un cloud provider, on doit prendre en compte. Est-ce qu'il y a un IAM pour valider les identités des gens? Un prototype, il n'y en a pas chez les Français. Enfin, il n'y a pas d'IAM. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses-là aussi qu'il faut regarder. Et j'ai pas envie, moi, de recoder un IAM pour plein de raisons. Celle que je suis feignant, déjà, mais c'est pas celle que ce que j'ai envie de faire par défaut. Donc voilà aussi le choix qu'il faut faire et qu'il faut avoir conscience quand on va dans ces cloud providers. Mais si jamais j'ai pas de problème de sécurité et que c'est un peu un projet perso, etc., ça va très bien d'aller chez un Français. Voilà, il faut faire le choix par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on fait. J'ai d'autres petites questions comme ça, on va dire un peu trollesques, mais où je vais les garder pour les vite respiration. On va se faire un bon chapitre sur la transfo DevOps. Il y a une petite 5-6 questions là. Alors, la première, c'est quelles sont les grandes étapes et les écueils à éviter dans une transformation entre une infra traditionnelle et une infra as code? Ok, bah du coup, dans des choses qui sont un peu à éviter là-dedans, à mon sens, souvent, c'est qu'on va partir sur, je vais imaginer le cas, on va partir sur du cloud et des choses comme ça. Dans le cas-là, il faut essayer en fait de profiter un peu de toutes les fonctionnalités. Donc, dans le cas, on change là, je passe plus d'un passage vers legacy, vers du cloud avec de l'IaaS. On va essayer le plus possible en fait de s'adapter en fait aux nouvelles fonctionnalités, d'utiliser des auto scaling groups, des choses comme ça. Notamment, ça peut être aussi pour des raisons économiques, simplement éteindre les VM la nuit ou en mettre moins dans l'auto scaling group, c'est des choses assez classiques. Donc, on va essayer de s'adapter là-dessus. Après, on va essayer du coup de, on va pas essayer, on va du coup plus rien faire à la main. Donc, ça veut dire qu'il faut à un moment se forcer aussi à créer une base. En fait, à mon sens, c'est un truc qu'il faut essayer de faire assez rapidement. C'est surtout si vous avez plusieurs équipes. Faire une base commune, définir une manière de faire, encore une fois, cette histoire de communauté, pour qu'on soit tous d'accord sur des règles et une organisation, notamment dans les repos Terraform, etc., pour que les personnes ne soient pas perdues si elles vont d'un repo à un autre, et aussi capitaliser sur des choses. Si jamais, je prends un exemple, vous devez intégrer des secrets en utilisant Vault et vous devez les récupérer dans votre IaC pour les injecter sur votre infrastructure classique, dans le cas-là, avec de l'IaC, il y a peut-être 10 manières de le faire. Mais si vous vous mettez d'accord pour en fait user une manière et pas réinventer la roue à chaque fois, vous gagnez du temps. À mon sens, l'infrascode aussi dans une grande société, faut en profiter pour essayer de structurer les choses, découper, faire des modules, les partager et éviter comme ça de réinventer un peu la roue à chaque fois. Pour moi, ça c'est le premier écueil, de éviter de faire un peu chacun dans son coin sa version d'infrascode. Et après le deuxième écueil que je vois là-dessus, ça serait comment dire bah, ça serait tout simplement de faire juste de l'import. Pour moi, vaut mieux repartir. Par exemple, je prends un exemple très simple. J'ai un load balancer un peu legacy, j'ai des machines derrière. Si on part sur de l'infra-as-code, je préfère qu'on refasse un peu le tout, qu'on réfléchisse nouveau à la manière dont ça a été fait pour l'implémenter mieux, de manière plus propre, en profitant, comme je disais, de toutes les fonctionnalités, que en fait juste faire un lift and shift et récupérer ce qui a été fait et faire globalement juste des imports, ce qui va pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Tandis que si jamais on repart un peu, on réfléchit un peu à nouveau à la problématique qu'on avait, on peut potentiellement y répondre mieux et avec des fonctionnalités en plus de ce côté-là, en profitant de l'IAC. Bon, ça, c'est les deux principaux écueils que je vois. J'avoue que là, sur de but en blanc, j'en vois pas spécialement d'autres. Mais du coup, je passe la patate chaude. Je vais rebondir très vite. Je suis super d'accord avec le deuxième point, qui est un point important, c'est automatiser, ce n'est pas faire de manière mécanique ce qu'on faisait à la main. C'est un point qui est extrêmement important. C'est pour ça d'ailleurs que souvent je fais la distinction entre mécanisation et automatisation. Alors Google, ils font même une autre distinction, ils font la distinction entre automatisation et automatique. C'est pas la même chose. Et donc en fait des fois il faut repenser les contextes, donc j'aime bien, j'ai plein de gifs animés comme ça de machines industrielles qui font des choses, qui font quelque chose qu'on pourrait faire à la main facilement et en fait qui sont obligés de repenser tout de manière différente, donc c'est très marrant de voir les machines industrielles. Bah, dans l'automatisation c'est pareil, c'est-à-dire quand on a dans l'idée que nos machines vont spawner de manière automatique, de manière en scaling, bah, notre application elle peut pas fonctionner pareil, elle doit souvent prendre ses configurations de manière différente, elle va fonctionner de manière différente, etc. Donc des fois c'est pour ça qu'il faut se repenser un peu, faire un pas en arrière et pas foncer tête baissée comme ça. Il y a un autre point qu'il faut faire attention, c'est de pas tomber dans le not invented here syndrome. Donc c'est de se dire on fait tout en interne, on fait tout nous-mêmes, on sait mieux que tout le monde comment ça va se passer, mais c'est de prendre des fois bah, de l'expérience extérieure justement pour pouvoir bah, apprendre des écueils. Voilà, donc c'est très bien, on est là, on vous partage de l'expérience, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais il faut pas croire, c'est rarement ce qui est fait dans les entreprises. Les entreprises aiment bien refaire elles-mêmes avec leurs petits process et refaire leurs mêmes erreurs. Ça permet de faire des talks. En plus, ça fait un talk comment on est passé à telle techno et ça fait un talk pourquoi on en est parti. Faites deux talks pour le prix d'un. Donc c'est plutôt pas mal. Et un autre point, alors là, je suis moins d'accord là-dedans, c'est moi, je vais dire l'inverse en fait du premier point qui a été dit. C'est moi, je vais dire plutôt essayez de ne pas trop rationaliser, essayez de ne pas trop vous mettre tous vos œufs dans le même panier. Mais la diversité, c'est cool. C'est un avantage énorme, c'est que quand on fait des erreurs, le scope d'erreur est petit. Parce qu'en fait, faire de jolis patterns, c'est très bien, mais en fait, quand on connaît pas très bien où est-ce qu'on va, souvent on se plante. Donc en fait, on essaye de faire on aime beaucoup en France faire des très belles ingénieries qui vont marcher à tout dans tous les cas. Mais en fait, des fois, il vaut mieux rester agile et dupliquer. Ça, c'est même une pratique de développement qui est apparue récemment, qui est de se dire dupliquer, c'est mieux que de centraliser. C'est-à-dire, en fait, au lieu de faire une librairie commune à deux logiciels, on va bah, copier le code d'un côté et de l'autre, et chacun vont faire leur vie à côté. Ce qui permet de ne, quand on a un problème, de le ségréguer à un seul logiciel. Et donc, ça va être le cas quand on fait des choses comme ça. C'est mettre tous ces dans le même panier, bah, ça fait du shitstorm at scale. Et c'est ça un peu le problème du at scale. Donc quand on avait des problèmes à la main, bon, enfin il y a des gens qui arrivent à faire du problème à la main at scale, mais quand on n'a pas de processus automatisé, au moins, ok, on faisait des erreurs, mais on les faisait petits. Quand on automatise, on peut faire des erreurs de manière très grosse. Et donc c'est pour ça que des fois je dis non, dupliquez, refaites, c'est pas grave, apprenez et vous revenez. Et en fait, bah maintenant on a un outil qui est génial qui s'appelle SED et qui permet de faire des changements at scale dans du code. Donc le jour où vous avez un problème, Ctrl Shift F sur votre VS Code. Ou Emacs, je sais pas comment on fait. Et ben en fait, vous pouvez changer du code at scale. Et donc, bah, allez-y quoi. Enfin, et partagez en fait après vos expériences, vos bonnes pratiques, et partagez votre code entre vous. Et voilà, et pollinisez en fait les pratiques entre vous. Moi, ce serait plutôt ça, moi. Après, si je peux juste rebondir Vas-y. là-dessus. Non, mais quand je disais ça, comme je disais, je prenais l'exemple, c'est partager aussi la manière dont vous gérez les secrets, les choses comme ça. Et quand je dis ça, je dis pas de faire un module central. L'idée aussi, c'est de partager des bouts de code et se dire, tiens, ça marche bien, j'ai déjà mis les bons paramètres, etc. Et potentiellement, si, là où c'est important, c'est de savoir se challenger entre vous. Et je pense que il faut faire attention à la démarche aussi du copier-coller qui est, on va pas se mentir, on fait tous un copier-coller, on a tous été un jour sur Stack Overflow, dire, putain, ce bout de code, il marche, c'est super cool. Mais dans l'histoire, le plus important, c'est pas que ça marche, c'est cool. C'est que le bout de code qu'on a copié, on le comprend et on sait le challenger aussi. Je vous prends un exemple. La dernière fois, il y a pas si longtemps, on m'a dit de faire une petite infra un peu à la con, si j'ose dire, dans le sens où c'était VM Load Balancer. J'ai mis un load balancer, on m'a dit bah tu copies-colles ce qui a été fait là, tu récupères ce projet, c'est la même structure. Et j'ai commencé à regarder un peu le truc, et il y a plein de choses qui, à mon sens, étaient challengeables. Donc par exemple, le chiffrement était mauvais, c'était du TLS encore 1.0, donc truc qui est totalement dépassé. Donc c'était plein de choses comme ça. Et en fait, j'ai commencé à reprendre un peu le code et à challenger tout ça. Donc faut faire un peu juste attention à ça, mais il y a effectivement un équilibre à trouver. Faut pas non plus essayer de tout modulariser et arriver à quelque chose qui est ultra abstrait. Au final, on va être interdépendant plein de choses, mais il faut quand même savoir partager en fait des bouts, que ce soit par copier-coller ou par module sur des petits trucs précis, tout en ayant vraiment cette vision. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Quand on copie-colle, c'est de comprendre ce qu'on fait et surtout de pouvoir le challenger. Pouvoir dire, ça, j'aurais pas fait comme ça. Et là où c'est important le DevOps, c'est de pouvoir pinguer, à mon sens, la personne qui l'a fait et dire, tiens, t'as fait comme ça, c'est intéressant. Pourquoi? Est-ce que tu penses que ça serait mieux ouvrir une PR et un peu itérer là-dessus? Ouais, c'était pour fermer la petite. Christophe, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je vais compléter un peu. La première chose pour moi, c'est déjà de faire un état des lieux des compétences, surtout si c'est une grande entreprise, faire un état des lieux des compétences existantes pour éviter justement de choisir tout un tas d'outils différents et essayer de se baser sur ces compétences. Du coup, la rationalisation et la mutualisation pour le choix des outils, ça peut être intéressant. Pas avoir 15 outils qui font la même chose parce que sinon, ça va devenir compliqué pour faire passer les gens d'une équipe à l'autre ou d'un projet à l'autre. Et surtout, le plus important pour moi, c'est en début de projet de fixer des objectifs plutôt à long terme et puis des objectifs intermédiaires. Et ne jamais oublier de faire des petits pas, c'est-à-dire faire des petites itérations petit à petit, faire évoluer ton équipe temps ou de créer en fait des nouveaux projets, mais vraiment de manière tout petite. On parle de boucle de rétraction au début. Et je ne sais pas si ça peut répondre à la question, mais s'il n'y a pas d'environnement différent, ça m'étonnerait vu la taille de MGM, mais mettre en place des environnements avec de l'infra-code, commencer par le premier environnement, puis le deuxième, etc., stage, pré-prod, etc. Et puis surtout, pendant toute la durée des projets, mettre en place des points de partage, des meet-ups internes, des vidéos, peut-être créer un podcast interne, je ne sais pas. Mais il faut que la connaissance et que l'expérience transmettent au sein de l'entreprise et pas que chaque équipe avance dans son coin. Vraiment mettre en place une culture commune et une culture d'échange. Super, un grand merci à toi parce que tu interviens en remote et c'est pas forcément évident. Merci de faire le switch de casque et tout. Merci pour les réponses. Alors, toujours dans le chapitre transformation, j'ai plein de questions. Donc, une question, est-ce que vous avez une orga DSI type pour faire du DevOps? C'est-à-dire, je vous explique un petit peu l'orga ici. On a des équipes plutôt transverses qui s'occupent de tout ce qui est socle, administration système, administration base de données, réseau, etc. On a des équipes transverses qui s'occupent de la responsabilité de la prod. Et puis, on a des équipes projet qui, elles, sont plus focus projet, évidemment, pour le build, les applications ou l'implémentation de logiciels. Donc, une orga relativement tradie pour une entreprise de cette taille. Est-ce que vous avez des orgas qui vous semblent plus pertinents pour mettre en place du DevOps? Guilhem. Ouais, bah, Les choses c'est, bouillantes. je vais essayer de pas trop troller. Enfin, en plus, je troll même pas, c'est que je le pense vraiment. Non, mais c'est vrai qu'en fait, le problème qu'il va y avoir, c'est que quand on a une structure, en fait, les structures historiques ont été conçues pour optimiser les ressources. C'est-à-dire de se dire que si on a 5 projets, mais qu'on a besoin que de 3 testeurs, et ben comme ça, on crée une équipe de tests. C'est super, c'est qu'en fait comme ça, on lui envoie 5 projets et j'ai pas besoin d'embaucher trop de monde. J'ai optimisé les ressources exactement par équipe. Et donc en fait, toutes les entreprises se sont créées comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a des développeurs, des testeurs, des supports, etc., etc., et qui sont cross-projet. Et donc en fait, on va avoir des interdépendances, mais c'est pas parce qu'on a, en fait, c'est pas parce qu'on a besoin de 3 testeurs sur l'année que en fait ça va bien marcher, parce que peut-être qu'en fait tous les projets ils ont besoin d'être testés en même temps. Et en fait c'est pour ça que le DevOps est apparu, en se disant bah en fait la principale chose qu'on va essayer d'optimiser, c'est le temps de mise en production. C'est ça en fait la logique première de l'agilité ou du DevOps. Et on peut être contre cette philosophie, mais le but c'est d'aller vite dans la mise en production de la valeur. Et donc dans sa correction si jamais il y a un problème. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va complètement bouleverser l'architecture, on va la passer d'une architecture vraiment par étapes à une architecture intégrée où si on a 5 projets, on a 5 testeurs. Il n'y a pas une équipe transverse de tests. Ce qui va permettre aux testeurs d'être OK, on a en fait un surplus, parce que les testeurs, ça se trouve, sont pas occupés tout le temps. Mais le jour où on en a besoin, la ressource est disponible instantanément. Et si vous avez fait du microprocesseur, c'est exactement le problème de la contention de dans un pipeline. C'est, en fait, on essaye de multiplexer les usages en ayant plusieurs cœurs qui seront OK, peut-être plus petits, etc. Mais quand les besoins, il est là instantanément et j'ai pas une latence à l'accès à une ressource. Et en fait, ça, c'est quelque chose, et on s'est aperçu, en fait, que, OK, on a besoin de plus de monde, mais en fait, on s'est aperçu que tout le monde était plus efficace. Donc, en fait, on a plus de monde, mais qui délivre plus qu'avant. Et beaucoup plus même qu'avant, parce qu'on n'a pas ce temps de context switching. Enfin, et vraiment, on utilise vraiment quelque chose qui est comme dans un processeur. Donc, ce switch de contexte où je fais une feature, et en fait, il y a quelqu'un qui me dit 2 mois plus tard, en fait, elle marche pas. Et donc, hop, je reviens sur ma branche, elle a divergé énormément, etc., etc. Et en fait, là, non, on a quelque chose avec une boucle de rétroaction qui est extrêmement rapide. Donc, en fait, l'organisation, elle se forme un peu par petits projets. Et c'est moi ce que j'ai appelé parfois la start-upisation, j'ai pas eu de gros terme, mais j'en ai pas d'autres, la jeune poussisation, enfin bref, des grosses entreprises en se disant, non, j'ai des petites entreprises, en fait, à l'intérieur de ma grande entreprise. Ma grande entreprise devient une tente qui héberge en son sein plein de projets qui ont leur propre vision. Et ça aussi, c'est parce que on s'aperçoit que plus une équipe est grosse et moins elle devient performante. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir un trade-off en trouvant le juste équilibre avec un projet de 20 personnes, on va dire, je dirais un chiffre au pif, mais il faut le trouver par contexte, par projet, pour faire en sorte que toutes les personnes soient les plus efficaces en leur sein. Donc en fait, on se retrouve à avoir des projets horizontaux vraiment énormément avec une tente par-dessus. Et en fait, ça marche très bien dans le monde. Les startups arrivent très bien à fonctionner dans le monde. Pourquoi ça marcherait pas au sein des entreprises? Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme en se disant, on va essayer d'optimiser le temps de déploiement à tout prix et donc en multipliant les ressources. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, il faut aller voir les gens des ressources humaines et du budget en disant, oui, il va falloir peut-être embaucher plus de gens. C'est vrai. Mais on sera plus rapide. Et c'est tout un problème souvent de ce genre de contexte-là. Christophe, tu voulais rebondir? Exactement, parce que ça va vraiment dans le sens ce que je voulais dire. Bon, moi, je suis un grand défenseur des équipes pluridisciplinaires. Alors, les équipes pluridisciplinaires par projet, ça veut dire que dans une équipe projet, on doit avoir des développeurs, des testeurs, des ops, des administrateurs système ou des administrateurs d'infodolis. Ça dépend en fait du projet qui est en train d'être mené, pour justement que l'équipe soit complètement autonome pour gérer son projet du début jusqu'à la fin. La fin, c'est on décommissionne, le projet n'existe plus. Donc, toute la durée de vie du projet, que ce soit du développement jusqu'à l'exploitation, l'équipe est autonome. Moi, je suis très, très fan du précepte qui dit « you build it, you run it », vous construisez l'application, vous l'exploitez en fait. Et je pense que c'est une très bonne manière de s'organiser. Dans des grandes boîtes, j'imagine bien, alors ça, je n'ai pas vu, mais j'imagine bien des équipes pluridisciplinaires se reposer sur des équipes un peu plus transverses qui vont les supporter, comme les équipes qui vont gérer tout le cloud interne, par exemple, ou les équipes qui vont gérer toute la forme logicielle, ou des équipes de R&D qui vont fournir des briques que vont pouvoir utiliser les équipes projet. Et là, peut-être qu'on peut retrouver cette rationalisation tant évidemment retrouver la rationalisation qu'on a, l'utilisation des ressources dont on parlait hier. Par contre, j'attire, moi je ne suis pas certain que l'utilisation des ressources soit vraiment efficace parce qu'on retrouve toujours, en tout cas dans toutes les grandes boîtes où je suis passé, en fait il y a des services mutualisés, mais les personnes, elles switchent de projet en projet. Et le fait de switcher d'un projet à l'autre, ça nous fait perdre énormément de temps. Et je ne suis pas certain qu'en fait, avoir des services spécialisés nous fait gagner plus de temps que ça par rapport à une équipe pluridisciplinaire qui ne s'occupe que d'un projet et qui ne switch pas d'un projet à l'autre. Une petite expérience pour ça qui est contre-intuitive en fait. En fait, il faut voir que là, on parle souvent de biais cognitif en fait. Là, on croit que quelqu'un de spécialisé va être meilleur que quelqu'un de non spécialisé. Et l'expérience qu'on fait souvent dans des ateliers, c'est on demande à quelqu'un de faire mettre une enveloppe mettre une lettre dans une enveloppe. Et donc ça se passe en 3 étapes. C'est plier la feuille, la mettre dans l'enveloppe et coller. Et on demande à des gens de le faire toutes les enveloppes, les plier, les plier, les plier. mettre les enveloppes et les coller, ou on demande à des gens de faire les trois à la suite et on regarde combien de temps ça prend. Et ben en fait, c'est celles qui font toutes les étapes à la suite et en rebouclant qui font le moins de temps. Et ça, c'est contre-intuitif. On a vraiment l'impression qu'en faisant les choses tout le temps la même chose, on va être plus efficace. Et en fait, non, le cerveau humain est pas vraiment conçu pour faire ce genre-là. Par contre, l'automatisation, ça fait super bien. Et un ordinateur le fera extrêmement bien, cette tâche répétitive. Bah, je suis du coup, pour rebondir un peu sur tout ça, moi, je suis plutôt d'accord sur l'idée des équipes pluridisciplinaires, dans le sens où à mon sens ça réduit aussi un peu la latence. On a tous connu le cas où par exemple vous avez une équipe qui va fournir allez, on va dire quoi, un accès à la forme à la au repo d'artefacts. Donc vous allez pouvoir pousser derrière vos images ou vos Binmaven ou que sais-je. Et du coup, bah dans le cas-là, vous allez ouvrir un ticket, vous allez potentiellement attendre tout ça. Si jamais vos accès marchent pas, faudrait ouvrir un ticket, faut voir avec la personne. Tout ça, ça crée de la frustration de un, parce que bah c'est chiant. Hein, personne s'amuse à dire tiens, j'ai ouvert un ticket, c'était trop bien. Franchement, meilleure journée de ma vie. Deuxième truc, ça crée de la latence, parce que vous, bah, pendant ce temps, vous allez venir au standard, vous allez, bah, j'ai ouvert un ticket, là, j'attends. Moi, ça peut être très frustrant. Tandis que si vous déportez ça et vous avez un peu des personnes dans les équipes qui ont les compétences, vous allez gagner, en fait, en fluidité. Vous allez gagner en temps là-dessus. Il va aussi pouvoir challenger, en fait, vos contextes, que les contextes des équipes sont différents. Je sais qu'ici, vous travaillez, par exemple, bah, pour certains plus dans le, sur des produits bancaires, d'autres plus des produits d'assurance santé. Donc, les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, il y a aussi cette connaissance, effectivement, du contexte qui est super importante. Et après, pour moi, en ce qui concerne un peu les équipes transverses, c'est important. Il y a des outils qui, à mon sens, ont du sens à être un peu transverses. Je pense notamment, par exemple, à Vault. Il n'y a pas forcément de sens à ce que chaque équipe maintienne sa stack Vault avec la sécurité qui va derrière et tout, parce qu'on sait il y a forcément un endroit où ce sera pas mis à jour, d'autres où alors finalement on a désactivé le chiffrement de ça parce que c'est un peu chiant quoi. Donc du coup tous ces outils là en fait, pour moi, ben, elles doivent passer dans des autres feature teams qui vont être au même niveau que les autres et qui vont fournir des outils aux différentes feature teams. Donc faut vraiment voir que ces équipes transverses, pour moi, vont devenir des équipes projet à part entière qui vont fournir ce qu'on disait un peu tout à l'heure, des outils d'infrastructure. Donc par exemple, vous allez avoir une équipe qui, on va appeler, je sais pas, équipe Forge, qui va fournir, je prends un exemple, après c'est adaptable, mais qui va être responsable de fournir un Artefactory, un Vault, un Consul, et derrière va pouvoir fournir les accès aux équipes un peu en mode self-service, ce qui fait que ça va créer moins de frustration et en même temps on va quand même profiter d'avoir des une stack entre guillemets solide et maintenue, et éviter de devoir maintenir la même chose en parallèle, des fois les ben, un projet s'il a besoin, imaginons, de stocker un secret de base de données, un secret, deux autres secrets, pour le cloud et des tokens applicatifs, ça vaut pas le coup de monter un vault juste pour ça. Donc là, c'est quand même des briques qui ont tendance à mon sens, ont du sens, entre guillemets, à être mutualisées par une autre équipe. Mais il faut vraiment qu'elle voit ça plus en mode produit que transverse. Parce que ça fait perdre aussi de la responsabilité, par exemple, d'avoir une équipe qui s'occupe de toute la maintenance. C'est ce qu'on disait. Demain, vous déployez quelque chose en prod. La prod, c'est bien passé, tout est vert, vos checks sont basiques, sont OK. Tout le monde est content, mais là vous vous rendez compte qu'en fait ça génère plein d'alertes, des flaps ou des choses sur le monitoring qui n'ont pas de sens. Ben, vous allez moins le ressentir tout de suite, donc ça va un peu changer à mon sens la manière de gérer le problème. Donc là où c'est intéressant du coup, c'est que si vous gérez notamment avec le you build it, you run it, vous allez pouvoir le remarquer plus facilement et pouvoir améliorer les choses grandement. Donc voilà un peu. Ouais. Aussi encore un point, parce que tu m'as fait penser à quelque chose. Dans la structure de DSI, ça revient à la question initiale. Dans la structure de DSI, il y a même la structure d'évolution et la structure de paie, parce que à un moment, on parle d'argent. Et en fait, dans ces structures-là, quand on est en mode projet, l'avantage, on l'a dit, on mesure. Et à partir du moment où on mesure, bah, ça veut dire qu'on peut s'améliorer, parce que on améliore que ce qu'on mesure. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir un incentive, on peut avoir une notion de budget et de d'amélioration par rapport à ça. Et donc, on peut donner des objectifs de manière claire, simple, qui sont mesurables, et pas juste il faudra améliorer la communication client. Non, là, c'est comme on l'a dit par exemple sur le Vault. Comment on passe d'un stade où on envoie un ticket et peut-être un jour on a les accès sur un Artifactory, par exemple. Bah là, non, on a une équipe Artifactory qui est on peut mesurer le temps de création des API, le temps d'amélioration de tout, et toute cette équipe, donc de développeurs, parce que après souvent quand c'était juste des ops qui géraient l'Artifactory, bah ils disent bah ouais, mais moi je sais pas développer une API, donc je sais pas faire. Mais là non, leur produit c'est pas Artifactory, c'est pas la technologie, c'est ils vont être l'équipe Forge ou l'équipe ceci, et donc elles vont choisir une technologie à un moment, elles vont avoir une API devant qu'elles vont développer et qu'elles vont pouvoir s'améliorer et peut-être d'ailleurs changer les produits. Donc en fait cette équipe devient, pourquoi ça devient une équipe au temps long? Parce que ça va être une équipe qui va gérer la forge, même s'ils changent de technologie, ça doit être un peu transparent pour les utilisateurs, et ils vont pouvoir s'améliorer, et donc on va pouvoir mesurer ça, et donc après, il y a la notion vraiment de budget qui vient avec ça, et qu'on peut mettre en comparaison. C'est-à-dire, on a tant d'utilisateurs qui utilisent tel projet, et ben donc ça correspond à tel budget qu'on va pouvoir injecter. Et les personnes se sont améliorées, elles ont fait un bon travail, elles ont amélioré toute la boîte, je peux le mesurer, je peux donc donner un budget associé à ça, aussi bien en termes de salarial, de primes, que de nouvelles personnes à mettre dedans. Et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, et ça c'est beau. Voilà, c'est... J'ai une question complémentaire qui n'était pas posée par l'Assemblée, mais qui rebondit sur votre question. C'est donc, dans vos interventions, là, vous préconisez pas mal des équipes plus focus projet, et donc éventuellement de diluer dans ces différentes équipes des compétences qui jusque présent étaient resserrées dans des équipes spécifiques, monocompétences. Je caricature un peu parce que vous avez parlé aussi d'équipes équipes transverses en support, etc. Mais fondamentalement, donc, on va se dire, vous avez donc des SRE qui sont projetés dans les équipes projet. La question, c'est comment est-ce que vous capitalisez votre expertise quand les compétences sont diluées dans des équipes dans lesquelles ces expertises n'ont pas d'émulation. Ça, ben, je rebondis là-dessus. Du coup, c'est vrai que ça, c'est une grosse problématique. C'est finalement, si les SRE, il faut qu'ils soient dans chaque équipe avec le contexte, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils soient isolés des autres SRE. Donc, c'est là où bah, y a plein de modèles qui un peu abordent ça au niveau organisationnel. Mais à mon sens, il faut créer vraiment, et c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, un esprit de communauté où il faut que les gens puissent échanger, que ce soit en ligne avec des chats ou des choses comme ça, et pouvoir, du coup, bah, comme on disait, hein, partager du code, pouvoir potentiellement aussi avoir du temps un peu banalisé. Bon, pourquoi pas se dire une demi-journée par semaine, je suis pas dans mon équipe, je suis avec les autres SRE, on voit un peu ce qu'on a fait, on remet peut-être en question aussi certaines approches. Donc, il faut arriver vraiment à créer cet esprit de communauté transverse en plus de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est pas simple à faire, parce que ça veut dire que donc, globalement, on est dans deux équipes, si je caricature, on est dans notre équipe projet et on est un peu dans notre équipe SRE. Mais c'est quelque chose qui se fait, il y a des modèles comme le modèle de Spotify qui l'abordent et qu'il faut arriver à ritualiser si possible pour un peu que tout le monde soit dans la même dynamique et puisse échanger là-dessus. Il faut que ce soit aussi asynchrone. Il faut prendre l'habitude de « tiens, j'ai fait ça aujourd'hui ». Soit j'en parle dans une semaine quand on se voit, soit je fais un bout de doc et je le partage sur le channel en disant « Anthony, j'ai fait ça, si quelqu'un a une idée ». Et là, après, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, dans l'idée de qu'un autre SRE voit ça, dit « Ah, fais attention, si tu fais ça, tu auras un bottleneck, un temps de connexion, etc., mais cette option ». Donc, c'est là aussi, après, tout l'intérêt. Christophe, tu veux rebondir ? En fait, dans les cinq piliers DevOps, il y en a un qu'on oublie un petit peu rapidement, c'est le pilier culture. Le pilier solidarité, donc le share, pilier de partage en fait, et il est très important en fait dans une entreprise et même en dehors de l'entreprise de partager, comme le dit Damien, de partager tout ce qu'on découvre. C'est vraiment un des fondements du DevOps, parce que une équipe pluridisciplinaire ne doit pas rester tout seul dans le coin, hein, parce que sinon elle va perdre en vélocité, en capacité d'évolution. Elle doit vraiment partager avec les autres équipes, donc le SRE ou l'Ops. À l'intérieur de cette équipe-là, il doit partager avec les autres ops via des meet-ups internes, des forums de discussion internes, des meet-ups externes, je ne sais quoi, mais l'idée, c'est vraiment d'entrer dans une boucle d'amélioration continue et des pratiques de l'entreprise et de ses propres pratiques et compétences. Donc, on ne doit pas s'arrêter juste à former une équipe particulière, on doit encourager les gens de cette équipe de se former continuellement et de partager les réussites. Et des échecs, parce que les échecs peuvent faire justement évoluer les autres mondes de l'entreprise. Qui n'a pas réagi à votre dilemme ? Ouais, bah, enfin, je suis entièrement d'accord, donc je vais essayer de parler d'un autre point. Souvent, en fait, on sait la peur, c'est de se dire j'arriverai pas à trouver des compétences, etc. etc. Ce qu'il faut voir, c'est que en fait, les entreprises, elles partagent un marché commun qui est celui des ingénieurs qu'on va mettre ou des développeurs, enfin, n'importe. De se dire qu'en fait, quand on a des équipes, des compétences qui sont un peu réparties, l'avantage, c'est qu'en fait, on a accès à des bassins d'emploi qui sont plus élargis. C'est-à-dire que si jamais je suis sur des technologies différentes, dans des bassins différents, bah, je vais pouvoir avoir accès en fait à un pool de personnes plus important. Et en fait, c'est un point à prendre en compte des fois, de se dire que bah justement, c'est un avantage en fait, de se dire on va pouvoir avoir des ops. Parce que j'ai travaillé par exemple pour la Française des Jeux, qui doit être à peu près organisée un peu comme les MGEN. Je connais pas tous les détails, mais à la Française des Jeux, on a une équipe à Vitrolles qui est la prod, une équipe à Boulogne qui sont les développeurs, et voilà. Le problème, c'est que bah au bout d'un moment, le bassin d'emploi à Vitrolles, il est ce qu'il est, et bah on a un peu fait le tour, et donc c'est dur de trouver des compétences nouvelles. Là où si jamais il y avait des développeurs aussi à Vitrolles, des ops aussi à Boulogne, eh ben on a une pollinisation comme ça, et on peut aller trouver plus de compétences différentes. Et c'est d'ailleurs un point extrêmement important à faire quand on parle de. C'est pour ça que moi, j'ai eu des expériences comme ça de rationalisation trop importante d'entreprises comme bon, enfin je vais juste citer parce que c'est assez public, c'est par exemple Criteo qui a une stack technique entièrement en .NET. Bah aujourd'hui trouver des développeurs .NET sur Paris, bah en fait ils sont tous déjà passés par Criteo. Donc en fait leur rationalisation fait qu'aujourd'hui ils n'ont plus de développeurs. Et c'est extrêmement dur pour eux parce que les gens sortis d'école n'ont pas de .NET, n'ont pas fait de .NET, n'ont pas cette expérience-là. Tous ceux qui étaient bons ne peuvent plus passer par là. Et donc même d'avoir de la diversité donc géographique de personnes et de technologies permet de challenger les technologies entre elles, de voir les réussites et les malus et de se dire c'est pas grave d'avoir de la diversité. Et aussi de pouvoir avoir des bassins d'emploi différents et donc de pouvoir recruter plus. Et c'est ça aussi la chose importante. On a l'impression qu'en ayant une monostack, c'est plus simple de recruter, c'est souvent l'inverse. Et en ayant plus de technologies, on a accès à plus de gens différents qu'on va pouvoir embaucher et recruter. Ok. Toujours dans le chapitre de transformation. Désolé pour le son, Christophe. Toujours dans le chapitre transformation, combien de temps pour mettre en place du DevOps? Alors, il nous reste 3 quarts d'heure. Donc, évidemment, on est plutôt, enfin, cette question-là, elle s'adresse plutôt à un contexte d'entreprise type MGEN, hein, évidemment, pas startup. Voilà. Essayez de faire des réponses courtes. Il nous reste 16 questions. On les portera, on les aura pas toutes. Essayez de faire des réponses courtes malgré tout. Donc, en combien de temps on transforme une entreprise pour qu'elle fasse du DevOps? Qui veut se lancer sur cette question Je vais répondre vite. Pour moi, c'est un temps infini, c'est-à-dire c'est asymptotique. Vous serez jamais entièrement DevOps. C'est une progression et vous allez atteindre le DevOps. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille. Enfin, j'ai créé un framework qui s'appelle MEPI, qui permet justement de vous évaluer sur votre progression vers le DevOps. Et je pense même que les plus grandes entreprises qui des Google et des entreprises comme ça n'ont clairement pas atteint le stade ultime du DevOps, alors surtout Google d'ailleurs. Mais voilà, donc ça sera quelque chose, ça sera une amélioration continue. Vous dites pas que du jour au lendemain, en mettant tant d'argent sur la table, c'est bon, on sera DevOps. Non, ça sera quelque chose de continu dans le temps et d'amélioration progressive. C'est vrai que c'est pas, je pense pas que c'est une question, mais une réponse en mode ouais, ça fait 2 ans, 7 mois, donc c'est ça. Il n'y a pas vraiment de réponse figée, et je suis d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui on va toujours en s'améliorant. Donc on peut se dire, si on met des milestones par exemple, je sais faire de la CD, donc déployer de manière continue des applications en production totalement automatiquement sans qu'il y ait d'action humaine. Si on se met des milestones de ce type-là, on va pouvoir mesurer. Et ce temps-là, j'ai pas de réponse magique. Ça peut prendre 2-3 ans, ça peut prendre 10 ans. Parce que ça dépend tout simplement, à mon sens, de beaucoup de l'humain. Et en fait, l'humain, on a tous nos rythmes, on a nos façons de penser. Certaines personnes, elles vont changer. Tu leur dis, on passe au DevOps lundi d'après. Elles seront déjà à fond dans le DevOps, elles vont t'apprendre des trucs, et à des gens, il va leur falloir plus de temps pour s'adapter, comprendre pourquoi on fait ça, etc. Donc, vu qu'il y a de l'humain, et que, en plus, c'est de l'amélioration continue, pour moi, il n'y a pas de réponse en temps magique. C'est un peu réponse de Normand, mais c'est à mon sens la réponse. Alors que t'es né de soi, Lorrain? Je suis Lorrain, mais oui, pas de Metz, mais... Christophe, tu veux répondre à cette question casse-gueule? Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et en plus, ça dépend tout de où on part, les connaissances qu'on a et l'organisation qu'on a. Ça peut être très long, c'est rarement court. Honnêtement, vous en avez pour plusieurs années. Moi, j'insiste sur le fait que, en effet, c'est l'amélioration continue, mais il faut vraiment pas s'arrêter au tout début. C'est-à-dire que souvent, en fait, je vois des entreprises qui veulent passer au DevOps et qui s'arrêtent. En fait, en multipliant le même par d'autres, qui s'arrêtent en fait aux 20% d'actions qui leur apportent le plus, c'est-à-dire, on met en place le déploiement continu, et puis en règle générale, elles s'arrêtent là et elles ne continuent pas à améliorer en continu leur infrastructure, leur organisation. Et vraiment, DevOps, comme l'a dit Guilherme, c'est amélioration continue tout le temps. Et ça doit vraiment driver en fait toutes les personnes qui participent à l'instance route et s'améliorer en continu pour atteindre des objectifs qu'on ne pensait même pas atteignables à l'origine et au début de la transformation. Mais vous n'aurez pas de résultat en peu de temps. Faut bien prendre en compte que c'est un investissement sur l'avenir. Faire une transfo DevOps, ça coûte cher, ça prend du temps, mais c'est un investissement sur l'avenir parce que ça va vous donner un avantage par rapport à vos concurrents et ça vous donnera un avantage concurrentiel. Parce qu'en plus, en France, on le sait, la plupart des entreprises ne sont pas passées au DevOps. Alors justement, comme tu parles de c'est coûteux, etc., il y a la question jumelle qui vient, qui est comment on mesure le ROI du DevOps? Alors qui veut se lancer? J'ai une réponse facile encore à ça, parce que j'en ai déjà parlé avant. Le DevOps, c'est l'amélioration du temps de mise en production d'une idée. Donc en fait, bah, c'est simple, vous prenez combien de temps aujourd'hui vous mettez entre l'idée et sa mise clairement sur en production, et bah, vous mesurez ça en continu, et si jamais ça baisse, bah, c'est que vous y arrivez, et c'est que vous vous améliorez. Et c'est ça ce mé mécanisme d'amélioration continue. Donc, si jamais un jour vous arrivez dans votre application mobile à avoir des fonctionnalités bêta en feature flag pour certains clients, ou vous faites de l'A/B testing, etc., vous avez commencé à bien faire les choses. Alors ça, c'est plus une question d'indicateur que de retour sur investissement. Bah, justement, en fait, le retour sur investissement. En fait, dans le DevOps, on considère que, enfin, en tout cas, c'est aller vite, c'est ça c'est ça le retour, en fait. C'est genre, le but, c'est d'aller vite. Et après, on verra ce qui se passe. Et en fait, il y a un effet magique que, bah, quand on va vite, en fait, on a des choses qui vont mieux. Mais c'est vraiment quasiment philosophique, hein. Il n'y a pas de preuve formelle que l'agilité fonctionne. C'est juste, bah, on a vu que ça marchait. Alors que, par exemple, la méthode en V est quelque chose dont on sait que si on la fait bien, c'est la meilleure méthode qui soit. Avec la méthode en V, on a fait des bombes atomiques. Et c'était comme ça qu'on l'a conçue. Le truc, c'est qu'on s'est aperçu que, bah, à part quand on fait des bombes atomiques, ça marche pas très bien. Et c'est ça le point. Et d'ailleurs, un point qu'on a oublié quand on a fait de la méthode en V pour les bombes atomiques, c'est qu'il y avait trois projets en parallèle. C'est-à-dire que l'État américain a financé dans le projet Manhattan trois bombes différentes en même temps pour les concurrencer. Donc en fait, c'est genre trois fois plus cher qu'un seul projet. C'est aussi ça qu'on a oublié quand on a fait la méthode en V, c'est que il faut avoir des spares au cas où. Et c'est pour ça qu'on a trois bombes différentes, Trinity, Fatman et Little Boy. Qui veut rebondir sur Ouais, bah ces arguments nucléaires? Christophe? Oui, alors les arguments nucléaires, peut-être pas, mais je voulais rebondir sur les indicateurs. En effet, quand on mesure le retour sur investissement, je suis assez d'avis de Guylaine, mesurer en fait le temps de déploiement. Je vais vous renvoyer au rapport d'ORA, qui est un rapport qui est sorti régulièrement, toutes les années en fait, par Google, qui est un rapport sur l'état de l'art des DevOps de manière planétaire. Et en fait, ils ont quatre gros indicateurs, qui est la fréquence de déploiement, le temps qu'on met pour faire le changement, donc c'est le temps qu'on met pour rétablir le service, ben ça c'est un temps qui est important aussi quand on fait du DevOps. Ce temps-là a tendance à baisser, c'est-à-dire que le temps d'intervention et le temps de résolution est plus faible, et surtout, le taux d'erreur. Plus on va aller vers le DevOps, c'est moins on va avoir d'erreurs, puisqu'on va éliminer une grande partie des interventions humaines. Et tous ces indicateurs-là vont nous permettre de définir un retour sur investissement. Là, je ne sais pas comment calculer, mais en fonction du budget qu'on a mis en face et du faible taux d'erreur, de l'accélération de nos déploiements et donc la captation de nouveaux clients induits par tout ça, eh ben, ça va nous donner un retour sur investissement. Après, il faut le calculer, il faut le voir. Moi, c'est souvent ce que je propose à mes clients, c'est de prendre ces indicateurs-là et puis aussi des indicateurs humains. Là, c'est une forme du retour sur investissement, mais si on limite le turnover grâce au DevOps, c'est aussi un bénéfice pour l'entreprise. David? Ouais, rapidement, parce que je suis assez d'accord avec ce qui a déjà été dit. À mon sens, je rappelle, il y a juste une chose, c'est que là, on parle d'indicateurs, de comparer des indicateurs et tout. Souvent, c'est compliqué d'avoir les indicateurs de avant le DevOps, qu'on pense à mettre pour le DevOps, mais il faut pas oublier avant le DevOps de mesurer aussi ce qui s'est passé pour comparer, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. C'est ça qu'on oublie souvent et on s'en rend compte trop tard. On se dit, ah, avant, on mettait combien de temps pour déployer en moyenne? Donc, il faut pas oublier ça. Et je rajouterais peut-être juste une dernière chose, mais ça dépend vraiment des domaines. Mais on a vu aussi que le DevOps aujourd'hui, c'est quelque chose qui, ben, le time to market globalement, donc le temps qu'on va mettre à s'adapter au marché, ça va être quelque chose aussi qui peut sauver l'entreprise. Je vais prendre un exemple très simple, c'est le marché des sites de rencontres. C'est un marché qui était ultra classique, où tous les sites avaient le même système avec page de profil, messagerie, et c'est bon, ça marche. Tout le monde était bien content, fonctionnait, on pouvait faire du cycle en V, de toute façon, le produit n'évoluait pas. Et un jour, il y a Tinder qui est venu, ils ont perdu les trois quarts de leurs clients, la moitié, ils étaient en mode, bah, soit je m'adapte en quelques mois, parce que c'est ce que j'avais à burn en argent en attendant, soit je mets la clé sous la porte. Donc pour certains business, ça a été clairement une question de vie ou de mort. Et il y a des entreprises qui ont arrivé à survivre parce qu'elles ont su s'adapter au marché, parce qu'elles ont su s'adapter, sortir des nouveaux produits, des innovations et pouvoir répondre aux ces nouveaux besoins qui avaient été créés par une entreprise. Et c'est ce qui se passe notamment même dans les marchés industriels avec des entreprises comme Tesla qui viennent challenger des parties et les autres entreprises sont obligés un peu de rattraper leur retard. On le voit bien où il y a beaucoup de cycles un peu plus longs en V, etc. dans l'automobile et dans l'industrie en général, où ça prend beaucoup plus de temps et on voit que c'est des situations délicates. Donc ça peut... Le calcul de ROI est très compliqué, mais bon, ça peut sauver l'entreprise dans beaucoup de cas. Donc c'est toujours un bon investissement. Il nous reste une demi-heure. On a encore quelques questions conso, mais on va les laisser pour plus tard. On va passer à un autre chapitre qui est le chapitre de la responsabilité. Ça vous chauffe, hein? Alors attention, qui donne le go pour une map dans un monde DevOps? Les tests en CI. Donc Damir a pris la main. Attention, Damir se détache. Donc, vas-y, je t'en prie. Si les tests automatisés sont bons en soi, alors ça dépend du produit, encore une fois. Si on parle d'un produit qui va être nucléaire ou autre, c'est pas la même chose, ou même une application bancaire, on peut consulter le solde, ça peut avoir beaucoup d'impact. Mais pour moi, la plupart des tests doivent être automatisés. Donc, à partir du moment où tous les déploiements dans les différents environnements de tests sont bons, les tests sont bons, on doit pouvoir déployer en production. Le plus important, c'est que le go en soi, on peut en louper des erreurs. On peut prouver avec les tests, faut pas oublier ça, on peut prouver qu'on n'a pas vu d'erreur, mais on peut pas prouver qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut savoir justement itérer là-dessus. Si vous trouvez une nouvelle erreur qui n'a pas été détectée dans les tests, faut rajouter ça dans les tests et incrémenter là-dessus. Et à mon sens, bah, il faut mettre en production. Après, utiliser des moyens de production potentiellement en faisant du progressive deployment ou des trucs comme ça. Et pouvoir, surtout le plus important, être en capacité de rollback si jamais il y a des erreurs, si jamais il y a des problèmes. Mais pour moi, à partir du moment où la CI donne tous les tests OK et tous les environnements sont OK, on doit pouvoir lancer la mise en prod automatiquement sur les produits aujourd'hui. Guilhem, tu veux rebondir? Ouais, non, je suis assez d'accord. Cette notion de test, elle a un gros intérêt, c'est qu'elle enlève cette partie risque humain. Et il y a quelque chose après qu'on peut rajouter, c'est qu'à partir du moment où on sait que la mise en prod va être automatique, et ben en fait, il y a un deuxième effet qui se coule qui arrive, c'est qu'on peut se dire qu'on a du feature flagging. C'est-à-dire qu'on va séparer la mise en production de la release de la fonctionnalité. Et en fait, si jamais les tests passent, si l'application ne plante pas, on la met en prod. Et en fait, on va avoir quelqu'un du business qui va activer une fonctionnalité qui est présente dans le code, mais juste désactivée sur le moment. Ça va permettre comme ça d'avoir toutes les fonctionnalités en prod, même des bêta, et de les activer pour le business. Le business va dire, regardez, ils vont tester, ils vont faire la recette en production. Parce qu'il n'y a qu'à leur production qui ressemble à la production. Donc en fait, on fait des recettes en prod. Et on arrive même à un point où, pour vous dire, chez Google, les tests des développeurs, le développement est fait en production. Il n'y a pas de plateforme de staging, de test ou je sais pas quoi. Il n'y a que la prod qui ressemble à la prod. Donc, on fait tout en prod. Et s'il y a un problème, c'est qu'il n'y avait pas le garde-fou qui allait bien. Et donc, on va rajouter des systèmes de feature flagging où on va faire en sorte d'activer la fonctionnalité. Un point important à ça qu'on voit souvent, moi, j'ai travaillé chez de l'e-commerce, par exemple, et ben quand on est au moment du Black Friday, le Black Friday, il commence, par exemple, à 23h59, et ben là, en fait, on n'a pas forcément envie de déployer toute la prod à 23h59, parce que comme c'est le lancement du Black Friday, on a envie que ça marche avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer le site avec la fonctionnalité Black Friday plusieurs jours avant. On va demander à plusieurs personnes dans l'entreprise de tester la fonctionnalité. Elles vont activer un flag. Ça peut être un cookie, ça peut être un header, ça peut être le nom d'un utilisateur. Bref, il y a plein de façons de faire du feature flagging. Et elles vont tester la fonctionnalité. Et si ça plante, eh ben on le voit instantanément. Il y a un taux d'erreur qui est monté. On peut faire les ajustements, etc., etc. Mais on va décorréler la partie déploiement de la partie fonctionnalité. Et ça permet un point extrêmement important, qui est que dans l'agilité, il nous faut donc cette boucle de rétroaction rapide. Eh ben on veut pas faire le code, mettre une PR, attendre que quelqu'un du business valide la fonctionnalité pour enfin pouvoir la fermer et avoir notre burn chart sur notre agilité qui soit beau. Non, on a codé la fonctionnalité, on la déploie en production, elle est désactivée, quelqu'un la testera et on va itérer dessus. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir, quand on a cette performance test, de se dire, ah ben on a un autre fonctionnement qui va nous permettre d'ajouter de la valeur de manière rapide. Et donc, et ça, si vous êtes sur Google, enfin Google utilise ça tout le temps, vous allez avoir même deux personnes qui ont utilisé la même application n'auront pas les mêmes fonctionnalités parce que certains auront eu un flag d'activer automatiquement et pas d'autres. Et donc, on va comme ça avoir un rolling update de. C'est pas parce que vous avez mis à jour une application de Google que vous avez la dernière fonctionnalité. Il va falloir attendre qu'un flag s'active. Christophe, qui donne le go pour la mettre chez toi? Oui, je vais contrebalancer un petit peu tout ce qui a été dit parce que c'est plutôt réservé à des équipes très inventées parce que ce dont parle Guillaume, c'est ce qu'on appelle les feature flags et les équipes ne peuvent pas faire ça. À titre personnel, et c'est peut-être lié à mon expérience liée à des très très grosses prods et comme j'étais exploitant très longtemps avec des grands groupes, j'ai assez d'avis de faire du déploiement continu dans tous les environnements hors production, c'est-à-dire dès qu'on a fait la DI et la merge request est validé, pouf, on déploie en staging et peut-être en pré-prod. Par contre, pour le déploiement en prod, ça reste pour moi le métier qui décide de quand on va déployer, parce que c'est lui qui a l'information, ça, je voudrais qu'elle se déploie pour telle date, ou en effet, nous, on a fait des tests, on a bien pris en main les nouvelles fonctionnalités, donc on valide, et on voit ça sur la prod. Mais le déploiement reste automatisé, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire à la main, c'est juste qu'on appuie sur un bouton pour valider. Et chez nous, c'est comme ça que ça se passe sur notre service en ligne. Tout est automatisé sur la pré-prod, la staging pré-prod, et c'est moi qui donne le go quand je déploie en prod, par exemple. Ok. Alors, une question qui est un petit peu en rapport, je vous demanderai de répondre vraiment hyper rapidement sur celle-ci, sauf si vraiment vous voyez matière à aller plus loin. Qui est responsable de la MEP, donc, et en particulier en cas d'incident? Que là, en gros, on dit que c'est le métier qui pousse, donc qui lance le go pour la mise en production. Mais qui est responsable de la MEP? Est-ce que vous voyez une équipe qui serait responsable de la MEP ou un acteur, on va dire, logique? Pour moi, ce serait le SRE du service qui a été déployé, qui va être responsable dans le sens juste où c'est la première personne normalement qui a, en général, dans les entreprises, après, il y a toujours des cas un peu exceptionnels, mais pour moi, c'est la première personne qui va constater normalement les problèmes. Et à partir du moment où il constate les problèmes, pour moi, il n'y a pas tellement de questions à se poser. C'est le principe d'avoir confiance dans ses rollbacks. Il va rollback et redéployer une version précédente où il va annuler le déploiement progressif et revenir un peu à une version antérieure. Et ensuite, il va y avoir du coup, pas spécialement quelqu'un de responsable, mais ça va retourner dans les équipes de dev pour analyser ce qui a été fait, redévelopper, redéployer. Mais il n'y a pas de responsable stricto sensu au point de vue légal. Mmh. En mode, c'est cette personne qu'on va virer parce que la MEP s'est mal passée. J'exagère un peu, mais. Non, mais t'as raison. T'as parlé de rolling update. En fait, on n'en a pas trop parlé, mais c'est ça le point le plus important. C'est que de se dire, un déploiement, c'est juste un état nominal de l'application, en fait. C'est-à-dire que, scaler l'application, c'est-à-dire la faire passer de 2 instances à 10, en fait, c'est 8 mises en prod. Et en fait, mettre à jour, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste changer une version par une autre, mais c'est conceptuellement exactement la même chose. Et donc, on va pouvoir, quand on met en prod, stopper une mise en prod et avoir toujours un état nominal qui fonctionne. Rollback, si jamais on a toujours la version antérieure. Mais il faut voir que mettre à jour, ça doit être un état normal de l'application. Elle doit être conçue en permanence pour pouvoir être mise à jour. Et donc... oui, ça va être le SRE pour faire ça, parce que aussi on va décorréler plusieurs choses. C'est vrai que historiquement, moi c'est vrai que dans certaines équipes où j'ai travaillé, désolé, je suis un peu plus long que prévu, je viens de penser à quelque chose, c'est que historiquement les équipes étaient même chargées de mettre à jour le sous-jacent. Ça veut dire que l'équipe qui mettait une application, en fait en dessous il y avait l'OS qu'on devait mettre à jour, il y avait le BIOS qu'on devait mettre à jour, il y avait plein de choses, etc. Et donc en fait on se retrouvait à avoir en fait une mise en prod qui ne voulait rien dire, en fait, parce que des fois on mettait à jour en fait énormément de choses en même temps, et donc le rollback devenait quasiment impossible, on savait pas faire, on l'avait jamais essayé d'ailleurs. Et donc là en fait ce qu'on a besoin souvent, c'est des API clairs pour définir les rôles et les périmètres de responsabilité. Donc moi, quand je parle de Kubernetes souvent, je parle d'une API de différence de responsabilité entre d'un côté les devs, qui sont ceux qui exploitent l'API, et de l'autre côté les ops, qui fournissent cette API de déclaration de déploiement avec les OS qui vont en dessous, etc. Mais quand je déploie une application sur Kubernetes, je n'ai pas besoin de savoir quel est l'OS qui est en dessous. Les ops peuvent avoir changé l'OS 400 fois depuis que le cluster existe, je m'en fous. Mon application doit fonctionner. Et donc, il nous faut comme ça ce périmètre de responsabilité entre les deux et se dire que quand on fait un déploiement, on fait un déploiement de manière atomique, on ne met à jour que ce qu'on a besoin de mettre à jour dans une application. Et d'où les rollbacks possibles, etc., etc. Je crois, Christophe, que tu n'as pas réagi là-dessus. Non, je vais donner une troisième réponse. Pour moi, en fait, dans le partage de responsabilités, c'est quelque chose que je transmets dans mes cours et dans mes transfos. Toute l'équipe, en fait, que ce soit les devs ou les autres de l'équipe pluridisciplinaire dont je parlais tout à l'heure, ils sont responsables. En fait, c'est l'équipe en son entier qui est responsable. Il n'y a pas de personne qui est responsable. C'est vraiment un travail d'équipe pour résoudre les problèmes s'il y en a. Et donc, s'il y a un problème, il y a la même. C'est l'équipe qui se charge de prendre le problème en main et de le résoudre. Parce que bah, c'est un travail d'équipe et c'est de la collaboration. Merci. Alors là-dessus, je vous fais encore un shameless plug. Moi, il y a quelques années, quand je suis entré chez Octo et que j'ai commencé vraiment à déployer mes ailes en tant que DevOps, il y avait une conférence qui avait été donnée par un type du Boston Consulting Group qui faisait un retour d'expérience sur la SNCF et qui disait que jusqu'à une époque relativement récente, à la SNCF, quand il y avait un aiguillage qui pétait, grosso modo, la façon de travailler de la SNCF, c'était que son management lui tapait dessus et que globalement, en fait, ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'en fait, on tapait sur le type qui était en responsabilité de l'aiguillage et ça s'arrêtait là. Et donc, en fait, bah, globalement, le trafic était perturbé. Et quand le BCG est venu consulter, enfin, est venu consulter, enfin, conseiller la SNCF, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont inversé le blame. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que globalement, le blame s'adressait à tous les autres acteurs qui étaient en responsabilité du trafic globalement, collégialement, parce que finalement, voilà, un aiguillage, ça casse, ça arrive. Et donc, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que si les contrôleurs ne faisaient pas monter les passagers plus vite dans les trains, si les trains n'accéléraient pas sur les voies de façon à pouvoir délester les voies plus rapidement, etc., pour permettre la réparation plus rapide de l'aiguillage, si les fournisseurs, enfin la logistique qui s'occupe d'acheminer le nouvel aiguillage jusqu'à l'endroit où l'aiguillage est cassé ne se bougeait pas, en fait, globalement, c'est eux qui étaient blâmés, pas la personne qui était en responsabilité de l'aiguillage cassé. Donc, en fait, finalement, c'est bien ce côté, on fait porter la responsabilité sur le collège de l'ensemble des acteurs qui fournissent le service global, le service rendu qui est la fluidité du trafic, et non pas ponctuellement la responsabilité unitaire de l'aiguilleur qui a mal maintenu son aiguillage. Je précise juste un truc important, 2 phrases et demie. Du coup, on parle de responsabilité. Le but, c'est pas d'avoir un responsable juste pour blame, entre guillemets, et dire Ouais, c'est ta bien sûr. faute. Là, l'idée, notamment quand je parlais du SRE, il est responsable dans le sens où c'est lui qui va se dire, il y a trop de taux d'erreur, c'est trop dangereux, on rollback parce que c'est lui qui est censé avoir les bonnes métriques, les comprendre et pouvoir du coup agir là-dessus. Mais encore une fois, le but n'est pas de blâmer une personne. Le but, c'est de rétablir la situation, parce que ce qui est important, c'est que votre service fonctionne, et après d'analyser potentiellement, de faire un regex dessus, etc. Oui, tout à fait, bien sûr. Je préférais préciser. Oui, tu es bienvenue. Voilà. Alors, justement, une question par rapport à la responsabilité. Est-ce que la délégation de l'ops au dev, donc est-ce que le fait d'empowerer le dev, de rendre le dev plus autonome, est-ce que ça ne conduit pas à avoir des VM de 20 téraoctets de RAM avec des JVM de 2 téraoctets de garbage collection? Et c'est dit sans aucun troll. Ce n'était pas un post-it de Mathieu. Bah, c'est vrai que c'est, je veux Vas-y, dire vite fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent eu, enfin que j'ai souvent, enfin quand j'ai travaillé dans des équipes, souvent c'était quelque chose que j'ai souvent, qu'on m'a souvent fait comme, enfin que j'ai souvent entendu plutôt en étant dans les équipes ops en disant oh là là les devs ils nous ont encore fait, on a encore besoin de mettre des machines. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est, bah, imaginez AWS avec quelqu'un, enfin, imaginez si AWS disait, oh là là, nos clients, ils ont encore besoin de trop de machines, on va encore gagner trop d'argent. Bah, en fait, quand on a une équipe produit dont le but est de fournir de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'elle fait un paiement, il y a une métrique qui est combien, quelles sont les ressources utilisées par le développeur, bah, pour le développeur, ça devient juste une métrique d'amélioration. Mais en fait, à l'heure actuelle, comme c'est, bah, je pousse et puis YOLO, bah, en fait, je pousse et puis YOLO, quoi. Enfin, genre, moi, de toute façon, c'est pas mon problème. Le jour où c'est une ressource qui devient payante, que le budget de mon équipe est imputé par rapport à ce que, bah en fait, comme n'importe quelle entreprise, comme n'importe quel budget d'un humain, eh ben là, je commence à faire attention. Et justement, cette notion d'avoir cette équipe en entier qui a un budget commun pour le support, pour le test, pour tout ça, fait que le choix des technologies qui vont améliorer le test, qui vont permettre d'avoir peut-être quelqu'un en moins pour le test, qui va pouvoir devenir un développeur en plus, etc., etc., devient important. Donc, si jamais les développeurs ont besoin de beaucoup de mémoire, eh ben, tant mieux, ça fait plus de ressources, plus de, on a parlé tout à l'heure des ops, eh ben, ça fait plus d'ops, c'est tant mieux, enfin, genre, si jamais les ops, on apporte de la valeur là-dedans. Par contre, maintenant, c'est aux développeurs à se justifier du pourquoi leur budget infrastructure a triplé ce mois-ci. Mais si jamais les gars ont gagné 10 fois plus de clients, bah c'est cool. C'est pas tout le temps un problème hein, de consommer plus. Si jamais on consomme plus parce qu'on a plus de clients, cool. Mais c'est cette équipe-là qui devra se justifier avec ses entrants et ses sortants. Alors, si je peux me permettre, c'est vrai pour du cloud, quand tu achètes la machine pour 3 ans, c'est pas la Mais même. c'est justement bah, toute la notion justement du débordement sur le cloud et justement toute cette notion dont je parlais tout à l'heure. C'est oui, quand on commence à avoir ces achats-là, et ben le cloud il sert à ça. Il sert à avoir cette élasticité parce que quand une entreprise monte, il y en a parfois d'autres qui tombent. Et donc le provider de cloud n'est que juste une grosse entreprise qui a réussi à lisser les achats sur longtemps. Mais d'ailleurs, même chez les providers de cloud, on achète les machines sur 3 ans. Hein. Enfin, c'est possible pour avoir des réductions d'avoir un engagement sur 3 ans. Donc, en fait, même les cloud providers ont exactement les mêmes choses. C'est juste que, bah, on peut plus facilement monter au-dessus des 3 ans, plus facilement. Mais un cloud provider n'est que le lissage de ces besoins-là, etc. Mais ça peut arriver dans certaines équipes de se dire, bah, ce mois-ci, on se bouche un peu le nez. On sait que la nouvelle release, elle prend 3 fois plus de mémoire. Mais là, on en a besoin à tout prix. Et ben, tout le monde se bouche un peu le nez. Et puis, on fait, bon, bah, ce mois-ci, ça sera un peu dur. Et on verra le mois prochain. Mais au sprint d'après, on s'en souviendra. Il faut qu'on améliore. Mais là, tout de suite, on a besoin de la fonctionnalité aujourd'hui. Et quand les ops et les devs sont ensemble, bah, ils font le choix en commun. C'est-à-dire, ils savent que ça va être compliqué. Mais ils vont le faire ensemble. Et ce choix-là va être commun. Quelqu'un veut rebondir, Ouais, Christophe ou Damien? bah je vais rebondir. Du Vas-y, je t'en coup, prie. moi je vois, bah, globalement dans mon cerveau, j'essaie de catégoriser ça. Je vois un peu 3 cas. Il y a finalement un cas où c'est de l'évolution naturelle, auquel cas, bah, vous avez plus de clients, vous consommez plus, c'est OK, c'est même bon signe en fait. Et vous avez aussi le cas, vous avez 2 cas aussi pour moi qui sont existants, qui est le premier cas du j'ai eu la flemme d'optimiser et du coup, bah, mon application consomme de plus en plus. Et ça, c'est une problématique qui est pas nouvelle en fait avec le DevOps et le cloud. Vous l'aviez déjà avant où vous aviez des tickets régulièrement. Moi, je me rappelle de tickets de bah ça marche pas, il me faut plus de RAM quoi, sans justification. Et là-dessus, c'est un peu à mon sens aussi un travail qui est plus à faire dans les équipes dev, notamment au niveau des leads, d'identifier, de se dire bon là, on n'a pas eu le temps pour cette feature, elle est pas très opti, mais c'est important qu'elle soit en prod maintenant, on verra plus tard. Ça peut justifier niveau business, ça peut justifier sur un temps court. Ou quand il y a des problèmes plus graves de fuite mémoire ou autre, là pour moi c'est au lead tech de dire, de voir avec les métriques et dire non, là il y a trop gros changements, on voit ensemble, on analyse et on répare le problème. Mais pour moi il y a vraiment ces trois, on va dire gros cases entre guillemets qui existent et qui sont justifiables aussi en fonction du contexte. Christophe? Oui, je vais juste terminer rapidement. En fait, ce que j'ai compris de la question, c'est si on va au DevOps, en gros, on va tracer d'Ops, et le dev peut ne pas faire, enfin, ne peut ne pas faire d'optimisation. C'est comme ça que j'ai compris la question, et du coup, j'insiste sur le fait que quand on va vers le DevOps, ça ne veut pas dire qu'on va tracer d'Ops. Il faut quand même garder ses compétences Ops. Alors, si en effet les devs ont des compétences Ops, qui, à mon avis, a un mauvais pattern, mais bref, il faut quand même garder des compétences soft, des compétences d'optimisation et de savoir trouver où sont les problèmes. Et donc, c'est pour ça que la mesure est super importante et, comme je disais, c'est un des points d'amélioration. Si on consomme énormément et que ce n'est pas justifié, il va falloir qu'on fasse des réductions bah, des optimisations dans son code. Ok, merci. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. On a 2 questions sur la sécurité. Et puis peut-être qu'on finira avec une petite question troll, si on a le temps. Alors, première question sur la sécurité. Le code est-il validé par la sécurité ou le RSSI et à quel moment? Alors, je pense que là, on parle de code. Qui est-ce qui a posé cette question? Est-ce qu'on parle de code de déploiement ou on parle de code applicatif? Non, c'est ce code applicatif qui va faire attention d'avoir des bases de données chiffrées, D'accord. qu'on respecte la sécurité opérationnelle de l'entreprise. Christophe? Attends, Christophe, levez le doigt, excuse-moi. Ouais, j'ai commencé parce qu'en plus, avec Damien, je crois, enregistré il n'y a pas très longtemps un épisode sur DevSecOps. Pour moi, la sécurité, elle fait partie prenante des ops. Elle doit être intégrée aux ops et donc, du coup, elle doit être intégrée au mouvement. Ce qui veut dire que si on a des contraintes de sécurité et des besoins en sécurité, ça doit être codé aussi. Les tests dont on parlait, c'est des tests applicatifs, des tests sécurité, et nous, toutes ces contraintes-là, elles doivent être intégrés dans les tests automatisés, et donc si les tests automatisés passent, le déploiement il passe. Il n'y a pas d'intervention humaine, il n'y a pas de validation humaine, autre que, ah, le test d'automatisation de la sécurité, il est bon, valide, et donc la personne de la sécurité va valider la merge request du code de test de sécurité. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer dans un contexte DevOps. Damien, tu voulais rien, tu Ouais. voulais rebondir? Bah, je vais remonter un peu dans la même lignée. Pour moi, ça va passer par des choses qui sont automatisées. Alors là, on parle de tests dans un CI/CD. Alors effectivement, des tests de sécurité dessus, c'est important. Même des choses déjà très basiques. Et après, pour tout ce qui va être test sur de conformité et tout ça, pour moi, si on en revient à l'idée que je développais tout à l'heure niveau organisation, que l'équipe sécurité, c'est une équipe qui va fournir des produits. Bah, par exemple, on peut imaginer que son produit, ça va être, il y a des outils comme Cloud Custodian qui permettent de faire du check, en fait, de règles de sécurité sur du cloud. Donc, ils vont parser différents comptes AWS ou autres et ils vont vérifier que, bah, les buckets sont bien chiffrés, que les buckets sont fermés au public. Et pour moi, c'est par ça que ça va passer. C'est ce genre d'outils que, la feature team, qu'on va appeler sécurité ou, oh merde, j'ai plus le nom. Bon, enfin, bref. En tout cas, c'est ce type d'outils qu'ils vont implémenter, maintenir pour s'assurer que les règles de sécurité sont bien maintenues. Et après, pour tout ce qui va être un peu plus classique, pentest, etc., je pense que vu que les livraisons viennent assez régulièrement, on peut plus trop se permettre de voir ça en mode, on fait un pentest, je sais pas, tous les 2 ans, pour se dire, est-ce que tout est dans les clous? Et là, ça peut être aussi intéressant d'avoir des exercices, continus avec, du coup, du bug bounty ou des choses comme ça sur soit la plateforme de prod, soit des plateformes différentes s'il y a besoin pour s'assurer aussi qu'il y a un peu de vérification humaine en plus. Ouais, moi sur la sécurité, en fait, j'ai un point de vue sur la sécurité qui est que la sécurité n'est qu'une qualité comme les autres. C'est-à-dire qu'on a la reliability du site, est-ce que le site est disponible? En fait, est-ce qu'il est sécurisé ou est-ce qu'il est rapide? C'est vraiment juste des métriques de qualité. Donc, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Damir juste avant, qui est que on doit avoir des équipes qui sont là pour garantir la sécurité. Surtout quand on commence à avoir plein d'équipes séparées. En fait, on commence souvent à avoir des équipes un peu au-dessus qui viennent analyser le je fais ce que je dis ce que je fais. Okay. Tu m'as dit que toutes mes bases de données étaient chiffrées. Bon, bah très bien. Bah je vais voir. Est-ce que vraiment c'est chiffré? Mais ces équipes-là, des fois, elles vont faire du chaos monkey, par exemple, c'est-à-dire, bah tu m'as dit que ton application, elle pouvait tenir si jamais je coupais la zone Paris. Bah je coupe la zone Paris. Ça marche pas, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et donc, par exemple, de faire des pentests en prod en disant, bah toi, tu m'as dit que t'arrivais à résister à des intrusions basiques. Et bah j'ai payé quelqu'un pour essayer là-dedans. Mais en fait, on a une équipe qui est là pour mesurer aussi les SLA. Genre, tu m'as dit que t'avais une disponibilité à 99,9. Eh ben, je la mesure. Mais c'est pas l'équipe qui va le faire elle-même, c'est une équipe à côté. Et moi, je parle un peu de ça comme le contrôle technique automobile, qui est la sécurité des automobilistes. Eh ben, c'est pas parce que je vais chez le garage qu'il n'y a pas un organisme qui va checker ce que le garage a fait. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'il nous faut, dans une entreprise, un centre de contrôle technique qui va valider que toutes les entreprises au sein de mon parc ont bien dit ce qu'elles avaient dit qu'elles a... enfin, bien fait ce qu'elles ont dit qu'elles allaient faire. Voilà. Dans ce sens-là. Et donc moi c'est plutôt comme ça. Après quand on parle du code de sécurité, c'est-à-dire plus de à l'intérieur du code, bah là ça va dépendre de chacune des équipes. En fait il n'y a pas de règle de sécurité en fonction des technologies, en fonction du périmètre, en fonction du besoin, en fonction de plein de choses. On va avoir des règles de sécurité différentes. Donc là pour le coup bah, c'est à chacune des équipes de savoir le niveau de sécurité qu'elles doivent atteindre. Et de le faire. Et donc là, pour le coup, d'avoir des gens qui font peut-être des fois de l'audit externe. Voilà, le code, il continue, et de temps en temps, on demande un audit externe, sans même des fois le dire aux équipes. On a cette équipe qualité qui est là et qui vient de checker. Et donc, par exemple, nous, quand on était au HDH, eh ben, on avait des fois des validations de toute notre infrastructure parce qu'on devait être certifié ANSI, etc., etc. Ben, on avait des fois des audits externes. Et ben, je trouve ça très bien. Ça nous donnait une perspective par rapport à ce qu'on faisait de temps en temps. Donc, faut pas, peut-être pas avoir des problèmes par rapport à ça. Donc, comme d'habitude, tester, tester, tester la mesure. Il n'existe pas de bonne sauvegarde. Il n'existe que des restaurations testées. Ben, c'est pareil pour la sécurité. En tout cas, je rebondis juste sur l'outil utilisé Cloud Custodian. Il y a un tool qui a été donné par WeScale, par Tanguy. Du coup, si vous tapez ça sur YouTube, vous allez pouvoir le trouver. C'est un outil qui est assez intéressant pour faire de la compliance de sécurité sur le cloud. Il nous reste 7 minutes. On a encore pas mal de questions, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors, cette question-là, elle est intéressante. Quel conseil vous pouvez donner pour pouvoir se lancer dans le DevOps alors qu'on a toujours notre run à gérer? Autrement dit, comment on fait pour garantir, enfin, pour conserver un niveau de qualité, comment on fait pour transiter, transformer, sans dégrader la qualité de notre run? Est-ce que ça vous inspire? Christophe? Ouais, commencer par des projets, des nouveaux projets. Je vois pas d'autres solutions. Enfin, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient d'autre. C'est-à-dire, des nouveaux projets, on essaye de faire du DevOps avec eux. d'appliquer les bonnes pratiques, mais tout ce qui reste en place reste en place. Bah, moi, je vais compléter avec ce que disait Christophe et ce qu'on disait un peu tout à l'heure au niveau de la transition d'un projet un peu legacy à un projet DevOps. C'est définitivement soit mettre des nouveaux projets, soit commencer à couper les anciens projets et se faire la main dessus et se réserver un peu de temps, accepter de prendre plus de temps au début, d'échanger ensemble pour découvrir, parce que souvent, c'est une découverte pour toute l'équipe, en fait. Donc, faut pas hésiter à prendre du temps là-dessus voilà, pour découvrir et de timer ce temps possiblement pour pas impacter le run. Et donc, dans tous les cas, mesurer aussi bah, vos métriques de run et vous assurer que vous ne dégradez pas la situation actuelle. Donc, pas de... Il y a peut-être après une autre solution qui est... De switcher de technologie, par exemple, pour la mise en production et de se dire, on la utilise déjà, on se fait la main sur des technologies de mise en prod qui marcheront à ce moment-là. Donc, il va y avoir du Kubernetes ou des choses comme ça. On peut très bien avoir cette même application, la passer d'abord dans des conteneurs, puis la passer dans des infrastructures d'orchestration et tout en gardant la même prod, en fait, en gardant la même application. C'est juste la façon dont on la déploie qui est devenue différente. Ok, ok. Bah on se finit, il nous reste 5 minutes, on se finit avec une petite question troll. Allez, deux petites questions troll, si vous êtes prêts. Est-ce que les BDD dans Kubernetes, c'est OK? Bah, ça l'a toujours été, ça sera toujours. Hein, Moi, je suis ça pas... dépend de la taille de la base. Vas-y, argumente. Ok, c'est à moi? Oui, vas-y, Christophe. Si les bases sont toutes petites... Et qu'elles soient non critiques, on peut les mettre dans Kubernetes. Si les bases de données sont critiques ou sont un peu plus volumineuses, ben, les mettez pas dans Kubernetes parce qu'il peut y avoir corruption de données. L'avantage des toutes petites bases, c'est qu'elles peuvent être sauvegardées hyper régulièrement, comme toutes les heures. Et donc, même si il y a corruption de données, on ne perd qu'une heure. Damien, tu veux rebondir? Ouais, moi, je suis pas fan. Alors, c'est plus pour des questions... Techniquement, aujourd'hui, on peut le faire, des opérateurs qui existent et des choses un peu poussées qui existent et qui sont assez sympas. Il y avait un tool qui avait été donné au FOSDEM 2020 qui est assez intéressant là-dessus. Et du coup, j'ai pas encore testé, mais moi, je suis pas fan pour une question en fait de logique de cycle de vie. Moi, je considère qu'une une base de données, ça n'a pas le même cycle de vie qu'une application au niveau conteneur. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas de raison de le mettre au même endroit. Mais moi, j'essaie de regrouper là-dessus par cycle de vie et logique, on va dire, mais c'est plus humain, on va dire, qu'un vrai problème technique derrière, de mon côté. Ouais, ben moi je vais rajouter. Enfin, une des bases de données n'est qu'une application comme une autre qui a juste besoin d'un disque. Si jamais il y a une corruption de données, faut régler le problème. Mais à mon avis, c'est pas possible là-dedans. Sachant que en termes de taille, on a même maintenant des bases de données comme Vitesse, qui sont juste des bases de données utilisées par YouTube. Donc sachant que toutes les bases de données de YouTube sont dans un Kubernetes, donc en termes de taille, ça va, ça passe. Et en fait, oui, une base de données n'est qu'une parmi tant d'autres. Enfin. Kubernetes, c'est juste quelque chose qui met des disques durs, qui les branche sur une machine et qui spawn un process à un bon endroit. Mais en vrai, un conteneur, c'est exactement pareil que si vous aviez une unit systemd ou runit ou n'importe quoi. Un conteneur n'est qu'une application comme une autre. C'est juste un deb comme une autre. C'est juste qu'il a été packagé, un flatpak ou un app image. Mais il n'y a pas de notion. Une base de données n'est vraiment qu'une application comme une autre. Elle peut être après, en effet, peut-être sur des clusters différents, parce qu'en fait, si jamais on a des équipes qui fournissent des bases de données as a service, et ben en fait, ils auront des clusters qui auront un cycle de vie différent, avec des disques différents, et peut-être des technologies sous-jacentes différentes, mais Kubernetes n'est que la manière de déclarer ce qu'on veut avoir. Mais moi, j'ai des pods qui ont un uptime de plusieurs centaines de jours. Ils ont jamais bougé parce que l'autre en dessous a jamais bougé. Bah, ils bougeront jamais. Enfin, comme ma base de données qui était dans une unit systemd, si ma machine bouge pas, elle bouge pas. L'avantage, c'est que je sais que si l'autre tombe, mes données, elles bougent avec. Et j'ai pas perdu de données, justement. Là où avant, on priait un peu, quoi. Enfin, en fait, hope is not a strategy, hein. L'espoir comme quoi la machine va continuer de fonctionner ad vitam aeternam. Enfin, pour moi, c'est pas de la prod. C'est juste de l'espoir. Après, l'espoir, c'est une question, c'était une question trop, là, en même temps. Je sens que ça pourrait être... Oui, il pourrait avoir un long débat, je pense. Alors, je vais une dernière question très rapide. Quels sont les outils standards DevOps? Git. Après, j'ai un Git ici, Christophe. GitLab, Terraform, en cible. Et Linux, évidemment. Bah, on a les quatre à la MGN, c'est incroyable. Tu veux rajouter, je pense Guilhem qu'il en manque dans l'équation là. Bah et Kubernetes, il faudrait juste ça. Quoi, c'est... Mais non, mais c'est en fait, en gros, ce que j'explique souvent, c'est que vous voyez ce petit cycle DevOps avec les petits ronds, avec d'un côté les devs, de l'autre côté les ops. Ben, en fait, on n'a pas fait un rond, on a fait vraiment cette boucle inversée comme ça. Et ben, il y a un point remarquable quand même. Quand il y a deux points, qui deux courbes qui se croisent au même endroit, ça fait un point remarquable. Et ben, quand on veut séparer deux mondes, aujourd'hui, on met des API. C'est cool, les API, parce que ça permet de tester, ça permet d'évoluer, etc. Ben, la seule API que je connais qui permet d'aller du monde du dev au monde de l'ops, c'est-à-dire d'un côté les développeurs qui disent ce dont ils ont envie, et de l'autre côté des opérateurs qui peuvent mettre ce qui mettre en place ces ressources là, c'est Kubernetes. Il y en avait d'autres avant mais qui étaient nuls comme Mesos ou comme un peu nomade, mais aujourd'hui Kubernetes a pris le marché, c'est devenu un peu comme Linux. Enfin moi quand j'ai commencé à bosser en 2009, on me disait Linux on pourra pas le mettre partout. J'ai entendu ça, alors tout le monde voulait du Windows. Aujourd'hui on voit Linux tourne partout, ça tourne dans des avions, ça tourne dans l'ISS, ça fait voler des fusées de SpaceX. Ça, c'est partout, on arrive à le mettre partout. Bah Kubernetes c'est un peu pareil. Kubernetes moi je l'ai mis dans des avions pour Thales. Ça passe, ça marche très bien. Je l'ai mis dans des conteneurs maritimes, je l'ai mis dans n'importe quoi. Ça tourne partout. C'est parce que en fait, ça leverage sur Linux. C'est juste un runner de Linux. C'est tout, distribué avec une vulgaire API en gRPC. Mais c'est débile comme application. Le troll s'est étendu à scale puisque on a même des intervenants de la salle qui interviennent sur le talk. Donc alors Prometheus, ça le fait pas. Oui, ça fait partie. Alors s'il faut en rajouter, ouais, t'as Grafana. Bah tu prends tout le CNCF, là le landscape CNCF et puis voilà. D'ailleurs, t'as tout ça. CNCF et on peut parler aussi. Non mais je plaisantais, ça c'est un troll. On peut en parler aussi de la table périodique du DevOps de chez Xenia Labs, enfin maintenant Digital AI, qui est de mon point de vue le meilleur outil, le meilleur produit qu'ils ont sorti. Hein. C'est un éditeur. Son meilleur produit, c'est cette table périodique. sérieusement, hein, je pense que c'est ce qui donne la meilleure valeur ajoutée de tous leurs efforts. Et là-dedans, on trouve globalement tous les outils. Elle est constamment mise à jour, constamment. Mais c'est vraiment un très très bon outil. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé d'autres solutions. Moi, j'ai dit Git un peu en trollant parce que aujourd'hui, c'est le seul outil où je suis quasiment sûr de le retrouver dans toutes les stacks. Après oui Prometheus, Grafana ça marche bien, mais on peut mettre aussi du Datadog ou d'autres choses, donc c'est vrai qu'on n'était pas trop parti sur les outils, moi, en tout cas moi, parce que bah, ça dépend du contexte, ça dépend des besoins, donc on n'est pas sûr d'y retrouver. On aurait pu acheter toute la partie Docker, un conteneur global maintenant vu que c'est standardisé, qui donc tout ce qui est runtime etc, qui est aujourd'hui quelque chose de classique, mais qui est embarqué dans Kube, mais toute cette logique d'avoir des repos, de build cette image, des images et tout cet outillage qu'il y a derrière, pour moi, c'est aussi très important. Et on pourrait le mettre dans le tooling de base. Bah, messieurs, vous avez répondu à 16 questions, ce qui est pas mal. Il en reste 5. Donc, vraiment, félicitations à vous. Vous avez été plutôt efficace. Il nous reste d'abord, moi, personnellement, à vous remercier du temps que vous avez investi vraiment généreusement, gracieusement. Je suis très touché, en plus, de participer à mon premier podcast. Donc, petite larmichette, depuis 10 ans que j'en écoute. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez appris des choses. Oui. Alors, je garde précieusement les autres questions et j'essaierai d'y répondre par un autre biais. Et vous pouvez écouter à plein d'autres. Bien sûr. Par le podcast, donc, normalement, on a ici nos éditeurs qui le publieront de façon publique. Nous, on va le récupérer pour le mettre sur la nouvelle.dl. Voilà. Et puis, je vais travailler toute la semaine prochaine pour vous venir au fil de l'eau. Les vidéos des différentes interventions qu'on a eues. Merci beaucoup, messieurs. Bravo à vous. Ouais. Et un spécial à Christophe qui était en remote et je sais que c'est pas facile de travailler dans ces conditions. Merci beaucoup à toi. Eh ben de rien, c'est moi que je pouvais faire.